par rapport à cette même thème de la séparation. Mmh. La fois dernière, ça faisait un mois, où tu as accroché par rapport à la passion. De quoi ça parle maintenant? Oui, vas-y, frère. Oui, c'est pas tout par rapport à la séparation, vraiment. Bon, il m'appelle, ça faisait un mois et demi, tant que c'est par rapport à la passion. Oui. Il a trompé de la brasserie présente les équipes du vent. Sans se rendre compte par rapport à un détail où l'enfant ne boit pas l'alcool. Par contre, nous. Souvenez-vous, c'est vous qui avez cherché. C'est vous qui avez. Donc, la deuxième partie ici, il va parler maintenant de la destruction du corps. C'est ça. Donc, tu peux me permettre de parler? Vous me permettez qu'il parle? Ok. Donc, nous allons voir ça dans la deuxième partie. Après, quand il finit la deuxième partie, il va encore prêcher. Vous me permettez de prêcher, non? Mais je ne dis pas oui comme ça pour penser qu'il faut me balancer là-bas en bas. Donc, il va parler maintenant. Prenez votre Bible. Merci, frère Jimmy. S'il y a une des fois où tu as posé une bonne question, c'est ça. Voilà. Et je veux que vous m'écoutez très attentivement. Très attentivement. De quoi il y en a question. Pour ceux qui n'ont pas suivi sa question, je vais reposer la question pour que vous compreniez très bien. Il a dit qu'il y a cela un mois, j'avais parlé ici de. Parce qu'un jour, je prêchais là, subitement, le Saint-Esprit m'a envoyé là-bas prendre une bouteille. Je parlais, vous dites, on dit aux gens de ne pas boire la bière et autres là-bas, et ainsi de suite. Par la suite, j'ai touché également le cadre du jus. Je vais entrer maintenant dans les détails. Il faut que vous compreniez une fois pour toutes le pourquoi. Vous voulez? On y va. Mais maintenant. Ici, ce n'est pas tout simplement un conseil vital, c'est un ordre divin. Et je vais, il faut qu'on voit déjà d'abord la fondation dans la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ok. Après avoir donné ces instructions, le reste sera entre vous maintenant et Dieu. Parce que si vous ne posez pas de questions, il ne répond pas. Je suis en train de vous donner l'instruction divine maintenant. Et nous avons devant nous la Bible. Nous allons lire la Bible. Nous allons entrer dans les profondeurs. Souvenez-vous de ce que j'ai dit dès le départ. On n'a pas besoin de dire quelque chose de façon explicite dans la Bible. Dieu dit quelque chose. Par exemple, on n'irait nulle part, on a parlé de la planète Mars, Jupiter, Neptune. Il n'y a nulle part ça ici. Mais quand on voit Neptune, c'est que ça a été créé par Dieu. On n'a pas dit que Dieu a créé Neptune. Il a créé le Jupiter. Maintenant, quand il y a des gens qui disent qu'il n'y a nulle part là-dedans, on dit que Dieu a créé l'eau. Il a dit que tout ce qui est visible et invisible. Tu vois quelque chose? Oui, il a créé. Vous savez, vous voyez l'eau? Oui. Il a créé. Il n'y a nulle part où il écrit que Dieu a créé l'air. Il est invisible. Tu vois l'air? Il a créé. Donc c'est comme ça, c'est ce principe. Donc vous devez aborder la Bible avec ces principes-là. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible de façon. Vous dites, merci Père. Allons-y, 1 Corinthiens. Quand vous allez ouvrir 1 Corinthiens au chapitre 3, gardez votre bras, votre doigt ici, rentrons dans la Genèse. Souvenez-vous, Genèse veut dire commencement. Donc frère Jimmy, que Dieu te bénisse. Parce que c'est que tu. Genèse chapitre 1. Ce n'est pas très souvent que Frère Jimmy pose des questions. Parce que souvent, il s'embrouille, il nous embrouille ici. Là. Donc, ouvrez 1 Corinthiens 3, puis allons dans Genèse chapitre 1. J'ai lu 1 Corinthiens chapitre 3. Et Genèse chapitre 1. Je veux que nous commençons à rentrer dans la Genèse. Lisons d'abord quelque chose. Puis on va aller dans 1 Corinthiens. Vous allez voir ce qu'il en est. Ah, non, je sais qu'au moins l'atmosphère est bonne pour prêcher, donc je peux parler maintenant. Je peux parler sachant que vous êtes mes gens intimes à qui j'ai besoin de parler de la vérité. J'ai pas besoin de passer par quatre chemins. J'ai dit la vérité sachant que j'ai des comptes à rendre. Et je sais que vous pouvez me taper ici. Et même si vous me tapez, ça fait quoi? Donc c'est pour la gloire du Seigneur. Donc le verset 31 de Genèse 1 dit: Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Très bon, souligné. Cela était très bon. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin, ce fut le sixième jour. Donc, quand Dieu a créé tout, il a porté une marque déposée, redimée, en disant que tout ce qu'il a créé était très, très bon. L'Ecclésiaste nous dit que Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont pris beaucoup de détours. Beaucoup de détours. Je veux que vous gardiez bien, chaque fois, tenez bien le fil sur la parole et suivez en vertu de la question que celui-là a posée pour ne pas perdre le fil. D'accord? Je veux que vous suivez attentivement pour qu'on sorte d'ici. Je sais que ça va susciter davantage de questions, mais ça fait partie de la déconstruction de ce que nous avons vu en première partie. de la déconstruction, de certaines valeurs qui a été admis en nous. Dieu merci pour cette question. Vraiment, que Dieu te bénisse. Qui se souvient de toi à cause de cette question-ci. 1 Corinthiens 3. Gardez à l'esprit que Dieu a créé tout de terre. Bon. Ah mon Dieu. Prenez aussi 1 Thessaloniciens chapitre 5. Gardez cela aussi. Waouh. Vous avez moi là. Hein? De 1 Corinthiens 3. 1 Thessaloniciens 5. Quand ça va arriver, déposer la Bible et puis on va commencer à parler. Que Dieu nous vienne vraiment, vraiment en aide. Regardez. 1 Corinthiens 3, d'abord, je commence. Vous allez le noter, si vous allez le noter, je vais encore donner un autre verset. Corinthiens chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 20. Dieu voulant, on va parcourir cela. Si ça n'est pas le temps, il va citer quelques passages là-dedans. Donc, nous avons commencé à lire dans Genèse chapitre 1, verset 31. Nous avons lu ça, n'est-ce pas? J'ai lu 1 Thessaloniciens chapitre 5. Gardez cela, on va y aller tout à l'heure. On avance. Ah, Seigneur, que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit glorifié. Je prie, ô Dieu, que cette parole que nous allons parler maintenant, que tu puisses parler toi-même au cœur de certaines personnes. Que toi-même, tu puisses parler au cœur de toute personne qui nous écoutera, afin qu'ils comprennent effectivement l'œuvre de Satan dans nos vies. On avance maintenant. Donc, je dis, nous avons lu Galates, quoi, Genèse chapitre 1, verset 31. Nous allons lire maintenant 1 Corinthiens 3. Je vais donner le verset bientôt. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 au verset 20. Vous avez pris cela. J'ai dit ouvrez 1 Thessaloniciens, vous laissez. Maintenant, oui, chapitre 5. Notez également en marge Romains chapitre 13. On va y arriver. Notez Romains chapitre 13. On va y arriver. Le moment venu, si je n'ai pas cité un verset, donnez-moi seulement, je vais vous dire ce qui est là-bas. Il couvre ce qu'il en est. Au fur et à mesure que ça vient, je vais vous en donner. On peut avancer maintenant. Maintenant, regardez. Verset 16. Vatani, tu peux nous lire le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc, lorsque, une de ces fois, je crois que c'est la semaine suivante, nous parlions de la méditation ici. Je vous avais dit que la parole, lorsque la Bible déclare que les paroles que je vous dis sont esprit et vie, ça devient vie lorsque ça quitte la Bible pour habiter votre esprit. Alors vous pouvez commencer à parler la parole du Seigneur, déclarer les oracles du Seigneur. Et je vous ai dit, comment est-ce que cette parole-là entre dans notre esprit? La seule et unique voie, c'est par méditation. J'ai dit, comment est-ce que nous méditons aujourd'hui? Quelle est la comparaison? La façon que Dieu veut que nous méditions et ce que nous faisons aujourd'hui. Nous lisons le passage biblique. Chaque fois que nous choisissons un passage biblique, nous lisons. Or, c'est déjà bien, c'est déjà quelque chose que de lire les passages bibliques. Mais lire, c'est une chose. Il faut Hagar. Hagar, quand vous lisez Hagar, Hagar, ça veut dire que vous ruminez. Vous faites repasser cela dans votre esprit. Repasser, ça veut dire que penser, méditer, réfléchir sur ce que vous avez lu. En réfléchissant ce que vous avez vu, vous poussez la réflexion, le Saint-Esprit ou votre esprit vous donnez la compréhension de ce que vous avez lu. On dit donc que vous avez médité. Alors le but de la méditation donc, c'est faire à soi la volonté de Dieu dans notre esprit. Déconstruire les valeurs intrinsèques injectées dans notre esprit par le prince des ténèbres. C'est pour ça que Satan lit la Bible, c'était les Écritures, parce que ça n'habite pas en lui. Quand il parle du mensonge, il manque de son propre chef, parce qu'à l'intérieur, c'est le père des mensonges. Mais nous, quand nous lisons, examinons la parole de Dieu, nous y entrons en contemplant dans le miroir pour ne pas être un auditeur oublieux. N'étant pas des auditeurs oublieux, la parole de Dieu habite donc en nous. Comme on peut dire, Colossiens chapitre 3, verset 16, dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Il veut toute votre attention, ne soyez pas déconcentrés. Donc je dis donc que pendant que nous parlions de cette méditation, je vous ai dit que la façon de méditer donc c'est, si vous prenez une écriture, ce jour-là je vous avais pris Jean au chapitre 3, les versets 6 à 7, il dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau, ce qui est né de la chair est chair. Vous dites, je regarde ça, je lis ça, je ne passe pas tout simplement. Donc, s'il y a une naissance naturelle, une naissance spirituelle, je suis en train de réfléchir dessus, c'est moi seul à ce verset. L'implication maintenant c'est, dans quel camp je me trouve, donc quand le verset devant moi, je suis en train de me mirer. Jésus en train de dire à Nicodème qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Par ricochet, il a le pointé d'une doigt en disant que je dois naître de nouveau. Il dit qu'il faut sachez que celui qui est de la chair est de la chair, est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit que tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut, c'est comme ça un homme qui est né de l'esprit. Tu poses donc la question, suis-je comme le vent? Si c'est non, réfléchis encore davantage. Suis-je né de l'esprit? Si c'est non, la question est évidente, comment faire pour naître de nouveau? La méditation me conduit à regarder quelle est ma vraie nature, ma vraie position. C'est comme ça qu'il faut faire avec la parole du Seigneur. Vous suivez? Ok, maintenant, je prends dans cet exemple pour vous amener à ce que nous venons de lire. La 5 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Il dit, ne savez-vous pas? Il a dit aux gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, pour leur rappeler leur état. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Après, il dit quoi? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple... Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Oui. Car le temple de Dieu est saint. Oui. Et c'est ce que vous êtes. On va travailler là-dessus maintenant. Dans le but maintenant, il faut que nous méditions. Okay. Nous sommes d'accord? Amen. Je veux donc que chacun fixe ses versets. Le verset, le dernier volet. Fixez bien le verset. Si quelqu'un détruit... regardez cela en murmurant la parole. Vous allez marcher. Vous savez, quand la chèvre marche, les herbes, quand elle s'assoit, elle est en train de ruminer. Ruminer, c'est Agar. Frère, passez cela. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Levez la tête. Nous avons parlé aux femmes ici, et nous prêchons dans le monde entier en disant que le fait que les femmes changent leur teint est un péché. Y a-t-il un verset qui dit que vous n'avez pas changé votre teint? Y a-t-il un verset qui dit que vous n'avez pas fait le carré ou le maquillage? Mais c'est ce verset qui nous conduit à comprendre qu'on ne doit pas changer cela parce que c'est détruit. C'est pas ce que Dieu a fait. Souvenons-nous, ce que Dieu avait fait était très bon. Très bon. Donc ça veut dire que si Dieu a fait ça ainsi, s'il a fait noir, il veut ça que ça soit. S'il a fait rouge, il veut que ça soit. Tout ce que Dieu a, le créateur de l'univers a mis dans l'univers est parfait, il n'a pas besoin d'être modifié. Et tout ce qu'il a mis est modifié, il n'a pas besoin d'être modifié par et quiconque touche à ce qui a été mis de façon parfaite par le créateur de l'univers touche à la souveraineté du Seigneur. Vous comprenez cette phrase qu'il avait dite? Alors, si Dieu a fait quelque chose qui est bon, la montagne est debout, va changer la position de la montagne, il y a un problème donc en notre milieu. Satan donc, tous les versets qui sont écrits dans la Bible, il faut qu'il y ait son contraire chez Satan. Il faut que Satan fasse quelque chose pour qu'on soit attrapé un jour devant Dieu en disant que la loi de Dieu dit telle chose, tu as fait autre chose. La Bible nous donne quelque chose ici. Que Dieu veut habiter dans un saint temple, dans un corps qui lui appartient, donc qui donne l'appréciation par lui-même. Au verset 16, ne savez-vous pas que vous devrez savoir que c'est le temple de Dieu, vous êtes le temple de Dieu où Dieu est censé habiter. Après, dire si quelqu'un détruit le temple de Dieu, c'est sur ça que je veux que nous méditions pour parler en répondant à la question à notre frère. Alors, je suis le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alors, la question, il doit méditer. Quand est-ce que son temple est détruit? Un, qui est son temple? C'est moi. Donc, ici, on a parlé de moi. Quelles sont les conditions de la destruction de ce temple? J'entre donc dans la méditation. Qu'est-ce que je dois faire? Ou quelqu'un d'autre, souvenez-vous, il a dit, si quelqu'un détruit, donc si cette personne-là est de l'extérieur qui veut me détruire, moi qui suis le temple de Dieu, Dieu, la Bible dit que Dieu va le détruire. Si c'est quelqu'un qui allait me détruire, c'est moi-même, Dieu va me détruire. C'est ce qu'il a dit, pas vrai? Je suis dans la méditation, le verset est devant moi. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, il a dit quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Détruit, Dieu le détruira. Laissons la volée, Dieu le détruira. Ça veut dire qu'il y a une conséquence à la destruction du temple de Dieu. La question, la grande que nous devons répondre à ce soir-ci, quelles sont les manières de détruire le temple de Dieu que nous sommes? Nous touchons donc la bière, l'alcool et les jus. Premier volet. Bienvenue, dis à quelqu'un, bienvenue. Bienvenue. Que dit top, stop la soif, voyez. Top, stop la soif, voyez. Que donne-moi plutôt le pamplemousse UCB. J'aime ça parce qu'il y a les grains de pamplemousse dedans. Avançons doucement ce soir-ci là maintenant. Alors la Bible déclare que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Je dis, il faut que nous comprenions détruire. Lorsque vous prenez quelqu'un qui fume de la cigarette, sur quelle base devrez-vous lui dire que fumer est un péché? Y a-t-il un verset qui parle contre la fumée de la cigarette? Non. Mais vous savez très bien que c'est un péché. Quel verset vous pouvez prendre? Verset? Parce que vous avez compris qu'en fumant, ça fait quoi? Ok, maintenant, si ça détruit, maintenant, posons-nous la question. Les jus que nous buvons, détruisent-ils, oui ou non, notre corps? Oui. Je ne veux pas des hypocrites, il n'y a pas des essaux dans cette salle, si chacun doit répondre. Je recommence. Les jus que nous buvons détruisent-ils, oui ou non, le corps? Oui. Donc c'est, le jus aussi est contenu dans ces versets. Nous sommes, souvenez-vous, la marche chrétienne. La marche chrétienne. La déconstruction et la reconstruction. Vous parlez, je vous ai dit qu'on est obligé d'être radical en avançant. Pourquoi le taux de mortalité a augmenté? Pourquoi l'expérience de la vie, ça veut dire que le niveau moyen où les gens meurent? Pourquoi au fur et à mesure que les gens développent, les choses se modernisent, les gens meurent beaucoup plus rapidement? À cause de la qualité de la chose que nous mangeons. En grande partie. Observez seulement les États-Unis. Quand on montre un film ou bien un documentaire en Amérique, on montre les populations dans la rue, vous voyez, ils mangent comme ça. Là. Ils sont tellement. D'autres mangent comme la vache. Vous regardez, on dit celui-ci, on dit qu'il a 9 ans. 9 ans, il marche comme un vieux père. Qu'est-ce qu'il y a? L'obésité à outrance. Vous voyez un enfant, ça, je vais vous mettre une vidéo là, vous allez voir. Une autre qui a 500 kg. 500 kg. Un sac de ciment que vous ne pouvez pas porter, ça a combien? 50 kg. Donc ça veut dire que la personne là, si vous la mettez comme ça, elle pèse 10 sacs de ciment. 10 sacs de ciment. Je veux que vous imaginez ce qu'il est avec cette personne. Au-delà de ces choses, c'est vrai qu'il y a les démons. Quand la Bible parle de gourmandise, que c'est un péché, il faut comprendre qu'il y a des démons derrière. Ce qui fait que les gens soient captifs là derrière. Les scientifiques peuvent expliquer que c'est parce que ça a touché l'hypophyse. Il y a un point dans le nez que le sucre est actif pour que tu sois dépendant. On n'a même pas de l'addict, to be addicted. Donc c'est autre chose. Mais je veux qu'on l'indique ce soir. J'ai dit, si quelqu'un fume de la cigarette, vous n'avez pas besoin de lui dire que frère, c'est cigarette. Parce qu'il se met devant toi comme ça. Montre-moi c'est écrit cigarette quelque part. C'est pour ça que je vous ai préparé dès le départ pour vous dire, on n'a pas besoin d'écrire que la cigarette est un péché. Mais la compréhension de ce que Dieu appelle péché peut nous amener à voir si telle ou telle chose est un péché. Donc, c'est le fumer de la cigarette qui est mauvais. Fumer de la cigarette. La cigarette, elle, n'est pas mauvaise. Parce que la cigarette, c'est une chose, c'est à l'extérieur. Prendre cela pour ingurger devient un péché, un acte de péché. Pourquoi? Parce que ça détruit le corps. Donc, si on établit du fait que la fumée touche, ça détruit les lèvres. Il y a le cancer des lèvres, les dents, l'œsophage et autres et tous les systèmes, n'est-ce pas, professeur de science. Et bien voilà. Alors c'est établi, sans risque de se tromper, que la cigarette détruit l'eau. Donc par conséquent, on peut dire sans risque de se tromper que si quelqu'un fume, il en est détruit le temple de Dieu. Pas vrai? Je veux que vous m'expliquiez le processus du diabète, par exemple. Le diabète, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut causer le diable en majorité? Nous sommes d'accord que nous avons expressé devant nous. On a péché aujourd'hui, Dieu l'a mené ici aujourd'hui. Donc, est-ce que les jus que nous buvons sont des facteurs par excellence de diabète? Oui, l'un des caractéristiques du diabète, c'est le taux de sucre. Le taux de sucre. Ok, merci beaucoup. Dans cette goutte comme ça, de 1 litre, il peut avoir l'équivalent de combien de sucre? Combien de morceaux de sucre? 18. Selon les analyses, ça va jusqu'à 30 morceaux de sucre. Donc je prends ça, je fais con. Je vais les mettre combien de morceaux de sucre? 30 morceaux. Je vais dans un autre endroit, on met, puisqu'on sait les biais, comme les gens sont des biais, voient les biais, 12 biais, il faut que je suive la concurrence en buvant en jus. Je prends la deuxième fois, je bois con. Ça fait combien? 60. Il boit troisième biais, moi je bois troisième. Je fais con. Il met combien de sucre? 90. Donc, en l'espace de quelques secondes, votre carton de sucre, là, c'est combien de sucre qu'il y a à l'intérieur? Dans le carton de sucre, on vend à 750. Combien de sucre il y a? Combien de morceaux de sucre? 125. C'est 100 morceaux de sucre, c'est ça, non? Non, c'est seulement la première ligne. C'est ça, la première ligne. Donc, tu prends, je veux que vous voyez l'image dans vous. Donc, vous prenez tout le carreau comme ça, c'est tout ce que vous avez mangé dans votre corps. Vous en devez faire quoi avec votre corps? Détruit. Vous en devez faire quoi, frère? Détruit. Ok. Au-delà de l'aspect sucre, regardez ce qui est écrit là-bas, composition. Je crois que je vais venir avec, il est là, les conservateurs, E330, E331, arôme, sucre, conservateur, E221. Le plus grave encore, c'est les édulcorants. E955, E950, c'est ce qui est contenu là-bas. Pour le Coca-Cola, c'est le plus grave, le plus dangereux. S'il y a une boisson la plus dangereuse, il y a le coca et le soda. Voilà ce que les gens prêtent chaque fois. Tu bois, vous buvez, vous sentez comment la dent est un genre. Les plus acides sont les plus sucrés. Ça vous mettez dans votre bouche, c'est sucré. Mais vous regardez le test de pH, le potentiel d'hydrogène, vous voyez que c'est plus acide que le citron. Alors, quand vous prenez cela, vous mettez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Vous prenez le Coca-Cola que vous buvez ici, et en France, vous prenez le Coca-Cola qu'on boit en Amérique, particulièrement dans la zone de Californie, vous voyez que c'est totalement différent parce que les Californiens ont détecté certaines choses cancérigènes dans le Coca-Cola. On a fait attention qu'on a enlevé cela et, ou bien signalé que ce produit qui est à l'intérieur peut causer le cancer. C'est-à-dire que tu bois quelque chose, on signale qu'il y a un produit à l'intérieur qui peut causer le cancer. Tu regardes, ça peut causer le cancer. Comme on a dit, tu bois. Tu prends le paquet de cigarettes, on a dit aux gens que c'est quand même le péché, mais prévenons aux gens que la nicotine, là, ça dérange. Il dit que le tabac nuit gravement à la santé. Quelqu'un dit, donne-moi 20 paquets de ce qui nuit gravement à la santé. Qu'est-ce qui ne va pas chez les hommes? Ne marchez pas comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Parce qu'ils ont, ça dit qu'ils ne sont pas normaux. C'est ce que cet esprit veut dire. Parce que si c'était normal, ils ne vont pas comprendre qu'ici, ça a de danger, il y va. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira lui-même. Quand on prend 20 paquets de nicotine, on a écrit, donc 20 fois, on a donné la répétition, le tabac nuit gravement à la santé. Mais remarquez très bien, dans cette bouteille que vous voyez, on dit 15 morceaux de sucre, 20 morceaux de sucre, l'équivalent. Le législateur camerounais chez les Africains, comme on donne l'argent, on peut donner le libre cours à quelqu'un de tuer la population comme ils veulent. On ne peut pas préciser là-bas que trop de sucre peut vous pousser au taux de glycémie élevé et par conséquent le diabète. Et par conséquent, remarquez très bien la fragrance maintenant des diabètes au milieu des gens, particulièrement les jeunes. Vous voyez, vous allez faire un test de diagnostic des jeunes, on dit que vous êtes diabétique. Ça sort d'où cette histoire des diabètes, les jus que nous consommons. Et par conséquent, beaucoup d'entre nous jeunes n'auront pas atteint même 50 ans à cause de cela. Petit à petit, on commence à vous donner les restrictions. Maintenant, il ne faut pas manger telle sauge, il faut manger trop de sel, il ne faut pas manger telle chose, ne buvez plus quelque chose qui est sucré. Et on dit cela. Regardez la publicité de la télévision, comme je vous parlais tout à l'heure. Regardez, on montre après subitement, des écritures passent rapidement en bas. Rapidement. Faites stop, vous lisez ce qui est écrit là-bas. Faites des activités sportives par jour. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Après, on met une étoile quelque part là-bas, que faites attention. C'est, ah, j'aurais souhaité avoir d'autres bidons. Y a-t-il des bidons comme ça? Regardez-moi d'autres bidons, des styles de jus là. Regardez où suivez. Les simples choses qu'on met dessus sont suffisantes pour les juges de prendre en procès tous ces industries. Et ils ont le pouvoir judiciaire, donc juridiquement parlant, ils ont le droit de lancer des trucs contre cela. Parce que c'est quelque chose de la destruction de la population en masse. C'est pas ça, frère? C'est destruction massive de la population. Ils le font au fil. Dans les carrefours, c'est bien mis là-bas. On dit que Gino cocktail de fruits. Plein de fruits. Plein de goûts, tu tournes, regarde composition E233. Mais ils ont dessiné, ils ont mis l'ananas là-bas. Fruit de la passion, mangue et autres. Ils disent c'est plein de fruits, plein de goûts. Ça, c'est quoi? On peut le pousser pour publicité mensongère et condamner cette entreprise. Non, on ne le fait pas parce qu'ils brassent de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On tue la population au détriment. Alors, je causais avec quelqu'un, l'autre, il y a un ingénieur qui a dit que pour rien au monde, il ne peut pas boire les jus là. Oh, ce sont eux qui fabriquent à l'intérieur. Donc, un ingénieur qui travaille à l'intérieur dit que. Pour rien, je ne peux pas boire les jus qui sont là-bas. Comme j'ai un camarade à l'hôpital de la Quintine qui m'avait dit, si tu entends un jour que je suis malade, ne m'amène jamais à l'hôpital de la Quintine. C'est eux qui forment le médecin là-bas. Quand quelqu'un dit ça, vous savez ce qu'il veut dire dans ce milieu-là? Pour un ingénieur de 20 ans, il dit que mon cher ami, les jus là, je ne mettrai jamais ça. D'abord, ça ne travaille pas à ma maison. C'est un païen. Ça veut dire qu'il comprend ce qui se passe là-bas. Il sait ce qu'il met là-bas. Vous voyez comment on fait? C'est pour ça qu'ils disent que vous buvez ça glacé, parce que quand vous buvez glacé, ça donne comme ça, tu bois, tu dis ah. Mais remarquez très bien, le Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu et mon Seigneur, a fait de telles enseignes que personne ne peut lui être égalé, même dans ses œuvres. Vous avez soif, vous collez à ce que vous avez entraînement, on vous donne soif, vous buvez wab. Quand vous avez fini, vous avez toujours soif pour vous montrer qu'il y a quelque chose que Dieu a créé. Ce n'est que naturel qui doit aller vers le naturel. Amen. Pourquoi? Parce que dans le naturel qu'il avait fait, il avait dit que c'est celui qui doit stopper la soif. Dis à ton voisin, top ne stoppe pas la soif. Top augmente la soif. L'eau stoppe la soif. Comment, frère? Tu prends du jus, tu concentres le milieu intérieur. Donc oui. C'est normal qu'il faut diluer. Voilà. Donc tu concentres encore, donc quand tu prends ça dérange encore. Donc ça c'est par des scientifiques. Donc vous voyez ici on écrit top pamplemousse. On dessine pamplemousse à côté. Maintenant vous lisez ingrédients eau gazifiée. Vous ouvrez, vous entendez, vous entendez comment ça chauffe. Donc si tu tentes de boire ça, c'est que ça a l'intérieur, ton ventre va gonfler, ça peut même exploser. Vous faites, vous ouvrez, ça fait, vous entendez ça. Quand tu mets comme ça, tu entres, fais entrer quoi dans ton corps, dans ton système? Le poison. Avançons. Acidifiant E330, arôme, colorant, conservateur E200, antioxydant E223. Boisson rafraîchissante sans alcool, fabriquée en bouteille sous licence internationale. Bon, on avait dit que c'était le pamplemousse. Oui. Depuis que j'ai lu là, vous avez entendu le pamplemousse? Oui. Vous avez entendu le pamplemousse? Non. Alors voici des choses qui devaient pousser donc les juges d'instruction. Je parle maintenant à un juriste qui est aussi devant nous. N'est-ce pas, la loi prévoit que des mensonges comme ça pour détruire la population, on devrait poursuivre ces personnes? Pourquoi on ne le fait pas? Donc maintenant, il va falloir que tu fasses ça, frère. Comme Patani a déjà trouvé la stratégie d'enseigner le darwinisme et l'évolution et le créationnisme, comment tu vas faire là maintenant? La compétence revient à qui de droit? Le procureur de la République est habilité à taper. Ce sont tes collègues, va dans les voies, dis-le, procureur de la République, j'ai un marché pour toi. Tu en fais partie. Tu en fais partie, voilà frère. Alors regardez bien, ça coûte 500 ou 600 francs. Dieu dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Tu dis, oui, j'ai entendu, j'ai trop souffert ce matin. Si tu sors, tu as la sueur comme moi. L'argent qu'il t'a donné, tu cours encore, tu pars chez le païen. Tu remets que donnez-moi un peu de poison pour détruire ce corps-ci. Le corps-ci me fatigue. En fait, c'est ce que tu dis. Ce que Dieu t'a donné, tu peux donner 600 là-bas. Déjà maintenant, on tellement fait, c'est devenu comme un style de vie. Regarde, quand tu vois quelqu'un me sort de son bureau, il savait le reste des jus comme ça. Et boit le gaz qui est à l'intérieur du rêve. Tu crois que c'est un bon vieux alors qu'il a dit de vouloir exploser. Voici donc ce que je dis et ce que vous déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus dire à quelqu'un. Vous ne devez plus marcher. Ou bien boire le jus comme les païens. Ils boivent le jus avec l'intelligence obscurcie. Vous n'allez pas dire que vous riez. C'est moi qui rie là-dedans. Je suis dépassé par les événements. Alors, de quelqu'un de prendre 600 francs. C'est un peu comme quelqu'un prendre l'argent pour acheter la cigarette. On dit, qu'est-ce que tu fumes? Je fume Benson. Le bâton, c'est combien? 100 francs. 100 francs fois 20. Ça fait 2000 francs le paquet. Qu'est-ce que tu prends là-dedans? Il y a des gens qui sortent la nuit à minuit. Ils réveillent l'enfant dans l'obscurité. Ils disent, va chez toi, je te prends pour acheter la cigarette. C'est parce que cette personne est possédée. Quelque chose veut se satisfaire à l'intérieur. Donc maintenant, par la grâce de Dieu, solennellement, je vous annonce que si vous venez chez moi, vous buvrez d'eau. Amen. J'ai dit ça à ma femme la dernière fois. Elle et moi, on en a discuté. Elle a dit, chérie, allons doucement, non. Que commençons par diminuer doucement. Je lui ai dit que non, ici, là, la révélation, c'est qu'on ne doit pas aller doucement. C'est radical. J'ai dit, pour commencer, le reste des bouteilles qui sont à la maison, dans lequel nous mettions l'eau pour mettre au frigo, ça sort aujourd'hui. Donc même les bouteilles ne resteront pas dans la maison. C'est ce que j'ai dit. Nous avons allumé, prié, balancé, il m'a regardé, balancé, il m'a regardé. Il dit désormais, les bouteilles de l'eau restent dans la bouteille d'eau. Pour qu'il n'y ait rien qui va nous attirer là-dedans. Ah, je vais faire le frais, je ne peux pas vous servir de l'eau. Il n'y a pas quoi que ce soit qui est meilleur comme l'eau. Vous me saisissez? Vous dites non, bois derrière le jus à la maison. Il y a l'eau à la maison. Ou tu bois l'eau à la maison. Tu, même si tu donnes le jus, c'est pas le même jus que tu vas boire à la maison. Hein, mes frères? Quand vous ne voulez plus parler, c'est toi qui as posé la question. Tu ne dis même pas amen. Je sens de vous, nous sommes riz comme ça là. Nous détruisons le temple de Dieu avec les faveurs de Dieu que Dieu nous donne. Nous les détruisons avec ça. C'est-à-dire que Dieu nous donne de ses moyens, nous prenons pour détruire son corps. Un peu comme les femmes qui vont travailler, Dieu va leur donner de l'argent, elles vont aller acheter effectivement. Donc vous voyez effectivement que chacun a pour sa part. Nous voyons, nous étions de prêcher contre les femmes qu'on ne fait pas, c'est pour nous qui sommes aussi venus. Mais au moins c'est équivalent parce que les femmes boivent ça. Donc, les femmes, quand elles prenaient de l'argent pour acheter les produits de maquillage, les hydroquinones pour s'injecter au là-bas, en prenant de l'argent que Dieu leur a donné. Ainsi, en est aussi pour rapport au jeu. Le plus grave encore, c'est que pour les femmes, là, on voit ça sur parce que tu vois quelqu'un qui était noir subitement, devient petite maman. Tu as le commentaire de l'influence. Qu'est-ce qui ne va pas? Ceci, c'est le plus grave parce que ça te tue à petit feu. Le système immunitaire est touché. Le système immunitaire est touché. Tu vas voir, en tant que jeune, tu ne peux pas attraper quelque chose à maintenir. La main commence à trembler. Comme ça, comme si tu étais maladie de Parkinson que tu avais, comme si le pape t'a ligué ça. Tu vas faire une petite course comme ça, boum, tiens, je suis fatigué. Quand tu es au village, tu es fort. Quand tu es au village, tu es fort. À cause de ça, les choses sont détruites. Le poumon est détruit. Le système sanguin est détruit. L'hémoglobine est détruit. Tout cela, un de ces jours-là, les semis entrent. Les hépatites, c'est comment te prendre. À cause des choses qui sont ici à l'intérieur. Il y a même des composants dont l'étude n'a pas encore montré l'effet sur la santé. C'est plus tard qu'on va venir maintenant dire que telle chose causait le problème. Alors, on va faire comment avec la vie des personnes qui ont été mises en danger. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit, Dieu le détruira. Alors, donc ce que nous avions dit pour la bière en disant que si quelqu'un, c'est pour ça qu'on a prêché, vous avez des gens dit que non, s'il veut ouvrir ma vente, mais il avait pas vendre seulement le jus. Maintenant, quand on a fini maintenant pour la bière, maintenant il ne faut pas soupçonner le jus, ça veut finalement devenir, tu vas seulement fermer. Alors, ça veut dire que si quelqu'un travaille d'une façon ou d'une autre, de n'importe quel endroit, dans ces entreprises ici, qui font de ces choses pour détruire le temple de Dieu, Dieu dit qu'il va le détruire. Il dit quand un ingénieur qui fait les compositions centésimales pour pouvoir composer ces choses que nous buvons, les tests qu'ils font, dit que chez lui, on ne boit pas ce que lui il fabrique, c'est que c'est un problème. Vous me suivez, frère? Donc, on devait écrire ici que les jus sont dangereux pour la santé. Et en indiquant même ce que ça cause. L'obésité, le diabète et toutes les autres choses là. Les arrêts cardiaques, les AVC, on devait écrire tout cela ici. Mais si on le fait, même si on le fait, d'abord la cigarette, on a imposé, on a fait. Sur les grands carrefours, le tabac nuit vraiment à la santé. Journée mondiale contre le tabac. Les personnes qui financent, ce sont ceux qui fabriquent le tabac. Journée mondiale sans tabac. Les gens qui font leur feu. Mon professeur de science, comme il dit là, en quatrième, quand il finit ses formes, c'est que le tabac nuit gravement à la santé. Quand on fait la pause, les derrière, tu le regardes comme ça, tu le regardes, vous savez que vous allez vous poser des questions. Comment c'est ça? Le monsieur, ce qui veut nous dire que la cigarette nuit gravement à la santé, il est en train de faire quoi là? Vous voyez les gens, il dit, les gens jouent la santé. Dimanche matin, les gens qui sortent, des grandes personnes, sortent du travail, sont en train de jouer. Il dit, ben, les gens qui travaillent, ils appellent Club Santé. Ils finissent de jouer en plein mi-temps. Quelqu'un est debout en train de fumer la cigarette. C'est-à-dire que quelqu'un a fait le rythme cardiaque pour que le poumon soit désoxygéné. Mais pendant que le sang circule dans le poumon, le moment passe. C'est là pour faire entrer la nicotine. Il fait entrer la nicotine dans ses poumons. Il dit bien, il dit, quand on joue au ballon, quand on joue, le corps est chaud, le rythme cardiaque augmente, ça se peut que tu respires beaucoup vite. Donc ça passe partout là. À ce moment-là, il est pendant que le couchant de ballon, il est fumé. L'autre boit la bière en plein là. Il finit le jus, vous appelez le match, il s'assied dans un endroit, il boit même 4 bouteilles en rentrant à la maison. Le ventre est ballonné comme ça. Nous sommes en train de détruire le temple de Dieu. Donc, église, il faut qu'on se réveille en disant, en comprenant ceci, Satan a mis ses attraits, ses attirés pour nous détruire. Nous commençons à comprendre le pourquoi le Saint-Esprit avait donné ces versets, c'est pour nous mettre en garde contre l'obésité, contre toutes ces choses-là qui vont détruire. Mais c'est dont les jus sont un moyen par Satan pour nous faire détruire le corps que Dieu nous a donné. Dans 1 Thessaloniciens donc, la Bible déclare au verset 23 que tout votre être, votre corps soit gardé irrépréhensible. Donc vous devez prendre soin de votre corps. Vous avez vu cela? Jusqu'au jour du corps, jusqu'à la venue du Seigneur. Vous me suivez? Dans Romains chapitre 13, comme je donne, la Bible parle au verset 14, de qu'on se garde de la luxure qui est liée à l'impudicité. Le soin, il dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. J'ai envie de boire le jus. Hein. Tu as envie de boire le jus. Laquelle partie de toi? La partie saine. Donc, en termes de, si on met en l'équivalent de dangerosité, le jus est plus dangereux que la bière. Il dit, si on met en termes de danger pour le corps, le jus est plus dangereux que la bière. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne chez moi et dise que non, j'attendais que lui-même donne le jus. C'est l'eau qui est là-bas au trans maintenant. Tout ce que Dieu a créé est très bon. Dit l'eau est très bon. L'air est bon. L'eau est bon. Voilà. L'eau est bon. Amen. Amen. Et vous voyez, les médecins, ce qui est curieux, vous allez chez le médecin. Il va vous dire, mangez les fruits, chaque fruit par jour. Vous dites, médecin, est-ce qu'il peut boire le jus des fruits, les jus de la brasserie? Il va dire, non, c'est pas ça. Le médecin va te dire cela. Il ne peut pas ajouter plus. Parce qu'il ne veut pas qu'on vienne pour suivre, pour diffamation, ou pour le commerce, pour pouvoir faire des choses de commerce. Il va dire, va chercher les fruits naturels. Pourquoi? Parce que Dieu a mis ce que dont le corps est nécessaire dans les fruits naturels. Monsieur vieux frère, achetez-vous des fruits. Sucez comme ça ou bien faites-le en jus, buvez. Quand vous allez boire, quand ça touche votre bouche, vous savez que vous êtes dans le naturel. Vous savez tout simplement, votre subconscient vous dit que oui, Seigneur, je te rends grâce. D'accord, mes chers frères? Donc, souvenez-vous de ceci. Vous buvez chaque jus que vous buvez maintenant, sachez que vous allez lui dire que Satan, merci de m'avoir donné de façon gracieuse du diabète. Je te remercie Satan, oh Lucifer, de m'avoir donné du diabète. Merci Satan pour m'avoir donné de la leucémie. Merci Satan de m'aider à détruire ce corps si bien. C'est ce que fait. Comment frère? Il arrive une chose. Que Dieu vous bénisse. Oui frère. Oui, frère, tu sais, au travers de ceci, ça suscite beaucoup de questions. Oui. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, je sais qu'il y aura beaucoup de questions. Et je reviens aussi là pour dire, est-ce que vraiment le chrétien aura vraiment de pouvoir se nourrir sur la planète Terre? Parce que tout ce que nous avions sur le marché actuellement est modifié. Est modifié. Oui. Nous n'avons rien. Parce que même l'eau dont tu parles, oui, ceux qui traitent cette eau, il y a le chlore, il y a tout ceci qu'on met à l'intérieur, dont même cette eau, mm-hmm, pour naturelle. Finalement, mm-hmm, je ne sais pas, est-ce qu'on pourra vraiment se... Va au marigot, frère. Va au marigot. Parce que tout ce que nous avions près de nous comme poudre, mm-hmm, on peut se ressourcer jusqu'à Tanguy. C'est pollué. Là, je ne peux pas prendre ce qu'on appelle eau naturelle parce que c'est déjà pollué. Mm-hmm. Vous allez même au marigot dont nous parlons, mm-hmm, c'est pollué. C'est pollué. Mais le singe vient à côté de toi, il boit ça, il n'est pas malade. Que Dieu nous guide. Bon, pour le moment, en admettant que le prochain enseignement touche le cadre de ces eaux-là, nous avons touché le jus ce soir. Insistons sur les jus. Oui. Par rapport au médicament que nous prenons aujourd'hui. Oui. Non, le médicament, laisse pour le médicament aujourd'hui. Restons dans le cadre de jus. Je veux que les jus, que nous méditons sur ça. Alors, ma femme donc a dit à la maison, ma femme a dit, non, allons-y doucement, on peut les enlever doucement, doucement. Il dit, ok, si tu vois quelqu'un qui a des péchés, tu vas lui dire que, et la personne te dit que tu quittes le, que je vais quitter le péché doucement, tu vas lui dire quoi? Il dit, si le Seigneur Jésus vient maintenant par rapport, dit que ça va nous amener où? Qu'est-ce que tu vas dire? Elle a dit que, ok, c'est ça alors. Ok, c'est ça alors. Écoutez très attentivement. Ne tolérons pas le péché. Quand nous reconnaissons que quelque chose est péché, mettons l'écart et avançons. Parce que si nous traînons, pourquoi le Saint-Esprit peut révéler ces genre de choses ça maintenant pour que nous commençons à prendre conscience? Parce qu'il a une œuvre à faire, on a une avancée. Si le nettoyage, voulez-vous, il n'y a pas de sanctification sans nettoyage. Le nettoyage, on dit on nettoie pour avancer. Il faut se séparer. Alors, le sucre, les idées des... Ah, quand on voit ça, quelque chose dans ta tête là qui est connecté à cela. C'est pour ça qu'il parle de publicité la dernière fois. Quand vous allez commencer, vous allez voir que vous faites un mois, deux mois, vous ne buvez pas, vous buvez que l'eau, vous allez voir comment même votre mine va changer. Même votre mine même va changer. Buvez seulement de l'eau. Levez-vous le matin, buvez assez d'eau. Et ça, même les médecins connaissent cette thérapie-là. Buvez de l'eau, buvez de l'eau. Buvez tout simplement. Et laissez que ça évacue. Que ça évacue et que ça, le tamis qui est au niveau des reins là, que ça évacue. Observez ce que l'eau fait. Maintenant, tous les déchets, les produits chimiques, c'est cela où vous enlevez. 80% des organes vitaux humains se trouvent au niveau des reins. Vous savez ça? Il y a 80% de l'organe vital humain se trouve ici. Et donc là, quand vous buvez, elle a bien, tous les trucs, les injures là, ça vient déposer, c'est comme le tamis. Ça vient déposer là-bas, les déchets des produits chimiques se déposent là-bas, ça se dépose. On a maintenant cancer, comment frère? Le calcul rénal. Le calcul rénal commence à diminuer. Voilà, c'est un procès. Ça c'est là. Donc, comme vous avez le... Vous avez, quand vous faites le légume par exemple, vous voulez verser pour avoir de l'eau, vous versez, l'eau traverse, les déchets qui restent là. Les produits chimiques, ça reste sur votre règle. Il n'est pas possible d'enlever cela. Petit à petit, ça pourrit, ça détruit le rein. Et c'est le support vital. Vous voyez ce que Satan a envie de faire? Ne lui donnons pas place, ne détruisons pas le corps, le temple de Dieu. Alors la Bible déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 6, dont je vous ai donné, il dit le corps n'est pas pour l'impurité, c'est pour le Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Détachons-nous de ces choses et attachons-nous au Seigneur. Vous me suivez? Au chapitre 6, verset 19, la Bible déclare que quoi? Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, là maintenant. Verset 20. Vous avez vu ça? Ah, je vous ai dit tout à l'heure de noter, donc je vais citer. J'ai dit, je suis verset 19 et 20 là maintenant. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à... Où est-ce que le Saint-Esprit nous dit? Non, la vie de Dieu est spirituelle. Comment tu vis spirituel? Comment tu es en même temps spirituel et physique? Il dit que ton spirituel et ton charnel va appartenir à Christ. C'est pour ça qu'il a dit que sur le plan charnel, si tu détruis le temple dans lequel l'esprit habite, il va te créer des problèmes. Il dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Dans ce verset 19, verset 20, vous ne vous appartenez point à Vous voyez, je veux qu'on vérifie. Regardez ce qui est écrit dans ce verset 19. Vous voyez? Qu'est-ce que ça dit, Patani? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et que? Que vous avez reçu de Dieu. Et que? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Stop. Vous avez vu? C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi avec ce corps-ci, même moi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été racheté par Dieu n'a pas le droit sur son propre corps. Il est esclave de Dieu. C'est-à-dire, c'est Christ qui dicte, instruit ce que nous devrions faire. Après, dis donc quoi? Car vous avez été racheté à un grand prix. Oui. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça appartient à qui? À ton corps appartient à qui? À ton esprit appartient à qui? À donc il les a rachetés. Mais tu n'as plus le pouvoir. Tu n'as plus le droit là-dessus. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit nous sommes son esclave. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, prenez encore une pause, prenez de l'eau. On va passer au troisième parti. En toi nos âmes a trouvé son époux, à ta lumière, elle se semble naître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, Satan méchant nous tiendra sous ses coups, que ta puissance arme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Sous ton regard, la joie est sainte et bonne. Près de ton cœur, les fleurs même sont douces. Sois de ta main, nous frappe ou nous couronne. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Aussi longtemps que toi j'ai sur la terre, je foulerai les sentiers douloureux. Fais comme tout le temps, à tout bien je préfère. Ce que tu veux, Seigneur, ce que tu veux. Oui, comme tout le temps, sous la croix la plus dure, au jour mauvais, je puisse dire, éloignant tout murmure, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Je ne demande, ô mon Dieu, qu'une chose, soit mon trésor, mon appui précieux, pour tout le reste. Pardonne, fais, dispose, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Établis donc sur mon cœur ton empire, règne si bien et pas de si douleur, de rien jamais ne m'empêche de dire, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Et puis un jour, sans trouble, sans alarme, je chanterai sur des morts plus heureux, l'hymne qu'ici je vers mes larmes, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Alors, continuez de prier. afin de pouvoir développer le réflexe. Le réflexe doit être la volonté de Dieu. Quand on arrête d'être surpris par des événements fâchés qui nous arrivent, on s'interroge comme si on était surpris. Prions en nous que nous soyons permanemment dans la perspective de ne vouloir que la volonté, faire la volonté de Dieu. Comme nous voyons le cœur de ce cantique, prions le Seigneur Jésus-Christ à ça. Seigneur Jésus, oh Dieu, Seigneur, prospérez de moi, de toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je suis défié par les paroles de ce cantique où Seigneur, j'ai même du mal à prononcer voix de gloire. Seigneur, défié moi de gloire de fond, personne, Seigneur Jésus-Christ à ça. Seigneur, je déplace en écoutant ce cantique. Seigneur, éclaire une personne consacrée qui ne vit que pour ta volonté. Oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ, viens m'approprier, Seigneur, de grâce, les paroles de ce cantique. Seigneur Jésus-Christ, prends, Seigneur de grâce, évolue dans cette perspective, Majesté. Seigneur, avant un cœur qui désire faire de ta volonté. Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, oh Dieu, désire de faire de ta volonté. Seigneur, savoir m'approcher de toi pour connaître ta volonté. Oh Dieu, connaître ta volonté, moi de gloire, je t'en supplie. Connaître ta volonté, Seigneur, je t'en supplie. Oh Dieu, et bien, Seigneur, conduis par mes désirs charnels. Oh Seigneur, Jésus-Christ, par mes pas la convoitise. Seigneur, je veux bien te détourner, moi de gloire, faire une inspiration venant de la chair. Oh Dieu, Seigneur, que mon cœur, Dieu de grâce, rentre dans la logique. De ne faire que ta volonté. Ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que je puisse faire les grâces. Sentir mon épanouissement uniquement quand je fais ta volonté, oh Dieu. Et que je ne trouve mon plaisir nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, que je puisse être enfin délivré. Délivré de cette chair, Seigneur de gloire, et ce penchant, Seigneur de grâce. Ce mauvais penchant. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, oh Dieu. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, alors ta parole, moi, de gloire, Dieu, parfait, annonce la tiédeur des derniers temps, ma Dieu. Oh, c'est que l'inclination de mon cœur, sans que toujours, moi, de gloire, de parfait, désirant ta volonté, désirant faire ta volonté, oh Dieu. Seigneur, de jour comme de nuit, en tout temps, Seigneur Jésus-Christ, fais ta volonté, qu'il vente ou qu'il neige, Seigneur Jésus-Christ, que la pression de Dieu de grâce soit mondiale, roi de gloire, que mon cœur ne trouve son plaisir que dans ta volonté, Seigneur de grâce. Avec joie, oh Dieu. Je l'exécute, Seigneur, avec joie. Seigneur, quel défi pour moi, de voir des hommes. Seigneur, de grâce, mettre par écrit. Seigneur, sous forme de cantique, quelque chose, le témoignage de leur vie. Oh Seigneur, je t'en supplie, moi, de toi. Je t'en supplie, Excellence, Majesté. Je te prie de m'accorder cette grâce. Puissant Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes au Seigneur, et c'est Dieu notre Père, qui dans son grand amour nous convie, né un cœur se sauveur, à croix du même Père. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours, oui pour toujours, c'est ce qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le bien de l'esprit, soyons toujours unis, oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous. Parmi les enfants du Saint-Royaume, dans la vie nouvelle, chassons ces choses vaines. Oh mes frères, aimons-nous toujours, oui pour toujours, et c'est ce qui nous unit, son amour nous conduit. De l'esprit, soyons toujours unis. Oh,

conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Ô mes frères, aimons-nous toujours. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu as un problème avec moi, ne te sépare pas de moi. Si tu as un problème avec moi, ne te sépare pas de moi. Soyons toujours unis. Gardons le lien de l'amour. Et si tu as un défaut, une faiblesse, ne fuis pas Jésus. Cours vers lui. Fini les divisions, fini les calomnies qui nous séparent les uns des autres. Car l'amour de Jésus du monde en communion. Ô mes sœurs, aimons-nous toujours, oui pour toujours, ce qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis, ô mes frères. Dans la main droite, tu arrêtes quelqu'un à ta côté de toi, la main droite, tu arrêtes quelqu'un. Quand tu arrêtes quelqu'un, je vais vous dire quelque chose. Dis, est-ce que tu m'as remis ce que tu me dois? Vous posez une question, vous riez comment? Quand tu poses une question, on doit répondre. Regardez-le, vous posez la question, vous me regardez comment? Posez-lui la question, est-ce que tu m'as remis ce que tu me dois? Répondez entre vous donc maintenant. Souvenez-vous, ne devez rien à personne sinon de vous aimer. Donc, tu lui dois quoi? L'amour. Demande-lui ce que tu lui as donné. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis, ô mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Puisse-t-il les cantines ne nous quitte jamais. Que nous gardions toujours cela, afin que ça soit le socle. S'il n'y a pas de questions, j'entre dans la Bible, j'ai lu quelque chose avant de donner certaines choses, avant qu'on entre dans les enseignements. Donc, y a-t-il bien aimé, bonsoir, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Amen. Y a-t-il des questions? Oui, voilà. Dans le livre d'Hébreux, on... Oui. Je pense qu'il dit que les choses... Quand tu poses la question, pose que les gens qui sont là-bas puissent saisir. Dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, oui. Je pense que ce verset, c'est pas trop. Il est dit que les choses que nous voyons ont été faites à partir des choses invisibles. Oui. Et cette information, au fait, cette parole a été parue et érodée pendant plusieurs millénaires jusqu'à ce que Albert Einstein trouve la célèbre équation. Sa célèbre équation. Et qui, d'après lors, on sait que la matière, ce n'est que la forme invisible de l'énergie. La forme visible de l'énergie invisible. Mmh. Alors, j'aimerais savoir si, puisque jusqu'aujourd'hui, la création de l'homme paraît un mystère aux yeux des profonds. J'aimerais savoir si, quand on dit tout ce qui existe aujourd'hui, l'homme. Il faut d'abord qu'on admette, en fait, est-ce que le postulat est admis pour tout le monde qu'il y a eu création? Ce n'est pas admis pour tout le monde. Et on va forcer les gens à le faire. Parce que la Bible déclare, dans celui d'Hébreux, il dit que c'est par la foi que nous croyons que tout ce qui est dans le monde a été fait par la parole de Dieu. De telle sorte que tout ce qui a été fait par le visible, dans le visible et l'invisible, elle a été fait par la parole de Dieu. Combien croient cela? Tout le monde ne croit pas. Avant que, on n'a pas besoin de postulat d'Einstein sur la quantique, la physique quantique pour croire cela. Je n'ai pas besoin d'un physicien, ni d'un mathématicien, ni d'un philosophe, quiconque qui aurait dit sa pensée. Quand Dieu a dit sa parole, même si ça me semble faux, même si je n'ai pas les preuves, je n'ai pas besoin de cela. comprends, n'est-ce pas? Bon, maintenant, si tu prends quelqu'un qui a la lèpre, il y a la léproserie ici à Douala. Comment on fait pour se finir la lèpre? Dieu dit qu'entre dans l'eau, cette fois. Qu'est-ce que ça a à voir avec la science? C'est ce que je veux dire, n'est-ce pas? Quelqu'un est aveugle, au lieu d'aller à l'hôpital Jamo ou à l'hôpital ophtalmologie, aujourd'hui on est un spécialiste dans l'ophtalmologie. Tout ce qu'il peut faire, c'est de donner un gros verre comme ça qu'on peut prendre. Pour que l'Europe tombe pour le ponton proximum se rapproche. Tu vois? Pourquoi? Pour que ça fait comme ça, pour que tu commences à zoomer. Dieu lui ne zoome pas, il crache, il met sur les yeux. Qu'est-ce que les crachats ont à voir avec le problème de l'œil? Je ne peux pas savoir, ce n'est pas scientifique. Donc Dieu n'a pas besoin de la science. C'est pour ça que la Bible, lui, la Bible, elle dit qu'il les confond dans leur sagesse. Ils ont brûlé les gens qui avaient dit que la terre était ronde. Plus tard, ils ont découvert que c'était comment? Qu'elle était ronde. Mais avant qu'ils le découvrent, la Bible déclare qu'avant qu'on trace le cercle de la terre, quand ils vont tourner, la dernière fois, je vous ai dit ici que le jour où ils vont admettre qu'il y a un autre qui traite d'un autre domaine de l'homme, l'homme est tridimensionnel, le corps, l'âme et l'esprit, que leur appareil peut, au plus grand, chance, détecter les maladies dans le corps, mais qui n'ont aucun appareil qui peut détecter dans l'âme, et que ici, c'est le seul appareil qui puisse détecter cette âme-là, c'est la Bible. Alors, ils vont avancer d'un cas. Alors, maintenant, tu ne peux pas concilier la foi et la science dans ce domaine, parce que la foi n'a pas besoin de preuves. La science a besoin de preuves. Il faut prouver à quelqu'un que plus tard, on fait comme ça. Là. Comment tu vas voir quelqu'un qui est malade? Il dit, lève-toi et marche. La science lui parle de rééducation. Il faut que les nerfs, l'hypophyse et autres se collaborent pour qu'il commence à apprendre encore à marcher de nouveau. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est pas scientifique ça. C'est pas scientifique. C'est pas scientifique pour lui de dire va, lave-toi sur la route de dans l'eau de celui en partant en route, comme ça, il se trouve qu'il est guéri. Il n'y a pas une équation sur ça. Delta E égale à MC, delta M égale à delta. Oh, ça, c'est bon, frère de la dernière fois là. À réfléchir, il vient, il cherche toujours l'endroit ici là. Donc, ce n'est pas scientifique. La physique quantique, bon, c'est que vous en avez parlé et c'est que vous voyez. Le domaine de la physique quantique et la physique métaphysique avec les quartz et autres là-bas, c'est qu'on a, ce sont les résiduels de la sorcellerie. Bien que la Bible ne soit pas un livre scientifique, oui. Elle contient quand même plusieurs associations scientifiques. Non, ce n'est pas que ça contient les associations scientifiques, c'est que la science se rend compte qu'il y a une personne qui est au-dessus de qui dit des choses qui est là-bas. Ce n'est pas parce que c'est la science. On ne peut pas dire que okay, c'est la science de la Bible, ce n'est pas ça. Dieu, regarde, quand tu laisses quelque chose, un poids, ça tombe, bam. Vous allez trouver P égale à MG, mais il a ordonné comme ça. Il y a les lois du ciel. C'est ce que Dieu a dit dans la Bible, les lois du ciel. Quand tu as lu la réplique des Job, de Dieu à Job, tu vas voir, contrôles-tu le pouvoir sur la terre, la grande ose. Est-ce que tu ordonnes? Est-ce que tu as ordonné à ceci? Je vous dis que c'est lui qui contrôle toutes choses. Et il dit que toutes ces choses-là, il les a créées par sa parole puissante et il court, chaque chose a ordonné. Et la dernière fois, c'est lorsque nous disons Jérémie au chapitre 5, nous avons vu effectivement comment il a donné les limites du sable à la mer. Et quand tu t'assois en bordure de la mer, tu vois l'eau faire bouf, bouf, bouf, tu fuis, ça arrive au niveau des sables, ça rentre. Dieu dit qu'il a donné, il a ordonné que voilà sa limite. Il n'a pas construit une grande barrière là-bas pour dire que si tu viens frapper, c'est ça, tu rentres. Il a dit qu'il a donné à l'eau que tais-toi, ton orgueil s'arrête ici. Quelle est la science là-dedans? Les scientifiques vont maintenant entrer en disant que lorsque les vagues viennent à court de l'eau, à partir de là maintenant, la vitesse des vagues commence à faire qu'on a dit que l'amplitude est égale à la vitesse sur le temps, ainsi de suite. C'est leur problème. C'est l'ordre de Dieu. D'accord, mon cher frère? Donc, on n'a pas besoin de la science ici. En fait, la science, c'est pour ça que la parole de Dieu subsiste à toujours. La science ne subsiste pas à toujours. Il y a des choses qui sont hors de la science, que même si on dit qu'ils peuvent tout tâter tel domaine, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas la science de la mort, par exemple. Tu comprends? Il n'y a pas la formule de la mort et la formule de la résurrection. Il n'y a pas la formule. Il n'y a pas la formule de la quantité de vie en quelqu'un. Il n'y a pas la formule. Il n'y a pas la formule de la quantité de sommeil en quelqu'un. Il n'y a pas la formule de la quantité de la mort de chaque personne. Il n'y a pas la formule de la quantité de chromosomes pour que quelqu'un puisse vivre dans la vie de quelqu'un. Il n'y a pas ça. C'est l'ordre divin. Point final. Il prend les sages dans leur ruse. Donc, d'essayer de. Ne regardons pas ce que les scientifiques vont dire de l'époque, ils vont dire, ils vont attaquer tous la Bible. La parole de Dieu a dit, tout ce qui a été créé pour un but. C'est Dieu qui l'a créé, un point, un trait. Il y a évolution, darwinisme, il n'y a pas évolution, darwinisme. Y a-t-il un Dieu qui a créé toutes choses? Y a-t-il pas un Dieu qui a créé? La question ne se pose pas. Si je dis non, Voilà la création là-bas. Si tu dis que oui, ça a évolué, que ça continue à évoluer. Depuis quand la souris a accouché d'un chat, on dit que non, c'est un grand chat que ça se passe. On ne peut pas attendre. C'est eux, les malades, les scientifiques, professeurs de sciences. Lui, il enseigne qu'il y a eu l'époque des batraciens. Lui, il dit comme ça, après le scientifique, il dit donc que Tommy, tu crois que c'est vrai. Mais il faut que lui nous dise quand il enseigne les enfants, puisque, attends, il faut que Tommy, tu nous expliques. Tu es professeur de sciences. La science dit que il y a les vous appelez les époques précambriens ou c'est quoi? Préhistoriens. Que c'est dans les milliards d'années. Tu vois la Bible, ça remonte à 6000 ans. Qu'est-ce que tu comment tu t'en parviens à t'en sortir? Hein, que l'homme est devenu le batracien. On met comment on a commencé à la souris, après le crapaud, on montait le singe, après l'homme. Vous voyez cette image là? Ça semble logique. La logique n'est pas la vérité. Quelque chose peut être logique. Il peut prendre la formule mathématique ici. Je place les formules là que vous connaissez tous. Je vous démontre que 1 égale à 2. Je dis montre ton doigt. Tu montres 1, tu montres 2. Tu vois que 1 n'est pas égal à 2. Mais pour ça, c'est logique. Vous voyez? Donc, papa, explique-nous comment tu dis aux enfants. Donc, toi-même, tu fais partie de l'association de menteurs des enfants. Et qu'est-ce que tu leur dis alors? Donc, tu lis le livre, tu dis que l'homme a évolué du singe à l'homme. Dis-nous. Qu'est-ce que le programme éducatif? Puisque dès le départ, on montre qu'il y a un programme. Oui. Un programme. Et dans ce programme, il y a les théories de l'évolution. Oui. Il s'agit des théories. Des théories. Ce sont des théories. Mais là, quand tu, toi, en tant que scientifique et chrétien, quand tu lis ça, tu crois à ce qu'ils disent là? Mais puisque quand j'enseigne, lorsque j'entrais en salle, je donnais toutes les théories, mais je donne aussi le créativisme. Donc, est-ce que c'est contenu dans le programme? Non. Donc, ça veut dire que tu fais le programme de ton propre programme dans le programme éducatif. Oui. Donc, tu finis de dire que c'est la théorie dit. Mais sachez que c'est Dieu qui a tout fait. Hein? Ok, sur la feuille, si tu poses, on pose la question QCM, Dieu, l'homme a été créé, oui ou non? Si Dieu oui, tu mets quoi? Je valide, puisque je l'ai donné, ça veut dire qu'il a été seulement adepte du créativisme. Et la mission d'un autre professeur, le professeur met comment? Si le professeur enseigne le créativisme, c'est aussi ça. Si c'est un examen officiel, maintenant l'enfant dit qu'il avait dit oui, tu avais mis juste, il est lu ce qu'il avait trouvé là-bas. Il faut dire que même à l'examen, oui. Même à l'examen, on tient compte de ça. Parfois, on tient compte de tous ces aspects. Parce que les professeurs noirs ont commencé à comparer sur le blanc qui nous ont envoyé. Il y a discussion. Oui. Donc, même à trouver le professeur, c'est fort. Et maintenant, les blancs, ça veut dire que les blancs sont nous imposés certaines choses et nous voyons que ce n'est pas normal. On a ça. Toi-même, tu as assez enseigné, tu dis que oui. Mais ici, quand même, nous ne sommes pas d'accord. Et en milieu scientifique, maintenant, les scientifiques sont en train de remettre en cause toutes ces théories de Darwin. Ils sont en train de changer ce jeu, mais nous enseignons la même science ici. On est toujours à l'intérieur en train de changer. Donc, quelqu'un voit la souris. Vous voyez, quand j'étais en seconde, il y avait un. Quoi, c'est en écologie qu'on parlait des caractères adaptatifs. Il parle toujours sur la conduite du professeur de sciences. J'ai eu des problèmes. Je ne sais pas, et je n'étais pas chrétien en seconde. J'ai dit, les gens qui avaient des problèmes avec moi sont les professeurs de sciences. Jusqu'à l'université même. Même les professeurs de l'université de la relativité. Comme celui-ci parlait d'Einstein, là, sans savoir de quoi il est question. Il est resté debout comme ça pendant 30 minutes, il ne bougeait pas. On a dit qu'il y a une autre chose, le pasteur, le professeur. Bon, il laisse pour l'université, je reviens à l'école. Alors, j'étais étonné en seconde de voir quelqu'un, il explique que l'homme mange avec la main, il prend sa bouche, la nourriture avec la main, il met dans la bouche, il prend, mais le coq, lui, il picore. Il dit que c'est un caractère adaptatif, c'est le mot qu'il utilisait. J'ai dit, caractère adaptatif, qu'est-ce que le type s'appelle par caractère adaptatif? Lorsqu'il bavardait, tout ce qu'il bavardait dans tout son cours de science là, je comprenais que ce qu'il voulait dire, que le corps s'est adapté dans cette situation. C'est comme si c'était le corps lui-même qui s'est habitué, qui a fait son bec, comment a picoré. J'ai dit que prof, il dit oui. Il dit que depuis que vous êtes né là, vous mangez les œufs, il dit oui. Quand vous cassez les œufs, les poussins sont là-dedans. Le poussin cherche à prendre la nourriture avec sa main avant qu'il oublie que c'est comme ça. Le poussin sort à l'intérieur avec déjà inné. Le premier parent des corps est sorti, il était inné. Quand il brise l'œuf là, chacun court là-bas, c'est avec le pied comme ça. Il dit c'est un caractère adaptatif. Alors, Dieu a fait cela comme ça. Il n'est pas sorti sa bouche, il y avait la dent avant que ça devienne le bec. Ça sort bec. Quand il sort le petit enfant là, ça sort bec. Quand le foetus augmente jusqu'à la maturité, c'est le bec qui sort, pas vrai? Le chat n'a jamais voulu que ses griffes soient rétractiles. Il se rend compte quand tu l'attaques, ça sort automatiquement. Parce que Dieu l'a fait comme ça. Il dit que le chien, lui, gratte comme ça, là. Le chat, lui, là, il est retraité. C'est un caractère adaptatif. Alors, un jour, il est venu, il a dit que désormais, je crois que tu vas me faire que je ne finis pas mon programme. Pour qu'on fasse quoi, il faut que tu sortes. Il dit, je ne peux pas comprendre. Alors à l'université, un autre professeur posait, il faisait toujours cours avec des relativités, avec comme celui-ci dit, avait une étude d'Einstein. Einstein, il ne savait pas qu'il lisait. Je lui ai posé une question, je lui ai calé debout, c'est comme ça qu'il était calé debout. Comme ça, on était là en file, plus de 300. Il restait debout comme ça là. Docteur, bien enseignant dans toutes les universités. Il m'a regardé comme ça, j'étais petit debout comme ça là. Et moi, mais quand il finit de poser la question, j'ai senti, c'est pas moi qui ai posé la question. Il est resté debout, il a fait chuuu. Les gens disaient que Chavda a hypnotisé le professeur. Chavda a hypnotisé le professeur. Après, il a dit que, et c'est l'une des personnes les plus honnêtes que j'ai jamais rencontrées. Il dit que, pour, quand on dit que quelqu'un a le doctorat, ça ne veut pas dire qu'il connaît tout. Honnêtement, le domaine là, je ne connais pas. Quand il a dit ça, j'ai arrêté, il ne peut jamais poser les questions. Donc, la science aura toujours ses limites. C'est pour ça qu'il vous dit chaque fois, sur le plan humain, des hommes vont prendre les gens qui partent par le pouvoir, les opposants. Comment ils vont pouvoir avoir les gens derrière et les convaincre de descendre dans les rues pour soutenir leur cause? Il faut qu'elles disent des choses qui sont logiques. Satan a dû dire des choses logiques pour que les gens puissent le suivre. Quand quelqu'un, les sorciers, les gens s'asseyent dans l'obscurité, ils disent qu'on mange le cœur des enfants. Aujourd'hui, nous allons cibler tel quartier ou à tel pasteur pour aller cibler. Pour que ça soit, il faut que ça soit logique pour que les gens adhèrent à son idée. Donc la science est logique, mais la science n'est pas la vérité. La vérité, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous déclare donc, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ce que la Bible va appeler démon, va appeler ça kleptomanie. Ils vont appeler ça pathologie. Que l'homosexualité, c'est une pathologie. Les gens sont dans leur nature. La Bible appelle ça démon. Que Dieu vous bénisse. Autre question? Tu as ce qu'il a dit? J'ai une question. Dans Hébreux 6, verset 1, il est écrit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, oui. Il y a un problème pour la compréhension de ça. En fait, ce n'est pas... Bon, vous voyez, voilà autant de choses qui se trouvent dans la Bible. Je vous parle de la pensée de Dieu, écouter la voix de Dieu. C'est un problème là-dedans. En fait, c'est un problème. La façon que le Saint-Esprit est en train d'utiliser la plume pour écrire par l'apôtre Paul n'est pas ce qui est rendu là-bas. Il y en a plein comme ça dans la Bible. Plein dans la Bible. Vous dites, comment faire cela? Je ne sais pas comment vous allez faire. Mais quand tu rencontres la voix de Dieu dans la Bible, tu sais que la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Il dit qu'il y en a plein dans la Bible comme ça. Plein. Vous dites, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a fait? Pourquoi on a écrit ça ici? Vous dites, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui... Mais c'est quand même... C'est pas ça. Quand il dit c'est pas ça, il dit si vous tenez à l'apôtre Paul maintenant là, vous dites c'est ce que tu as écrit, il va dire c'est pas ce qu'il a écrit. Ou bien qu'est-ce, pourquoi on a rendu ceci comme cela? La compréhension de la langue. La compréhension de la langue. Vous prenez par exemple dans votre Genèse chapitre 1. Le verset 1 dit au commencement Dieu créa. Vous regardez en hébreu, vous dites Bereshit bara Elohim. Au commencement Dieu créa. Dieu Elohim. Normalement, c'est au commencement les dieux. C'est les là-bas. Elohim là-bas, le dieu qui est là-bas, c'est au pluriel. Les dieux. Et on dit créa. C'est clair. Maintenant, qu'est-ce que vous dites en français avec cela? Au commencement, Dieu créa. Vous dites, il y a un seul Dieu unique. Mais si on dit Elohim, qui veut dire les dieux. Vous prenez Dieu là-bas. Nous savons que le Dieu, le prince de ces siècles, c'est Dieu de ces siècles. C'est Dieu là. En hébreu, c'est toujours Elohim. Les dieux. Au pluriel, mais en français on dit Dieu. Comment vous êtes arrivé à mettre là? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par les dieux, par Elohim qui est là-bas? Donc il y a plusieurs divinités. Vous dites non, qu'il n'y a pas plusieurs divinités. La Bible dit oui, il y a plusieurs dieux, pas vrai? C'est parce que la Bible déclare. Il y a un seul Dieu. Maintenant on dit Bereshit bara Elohim. Au commencement Dieu créa les dieux. Normalement, littéralement, c'est au commencement les dieux créés. Mais comment se fait-il que c'est les dieux qui créent? En français, si vous traduisez, ça veut dire les dieux créés. Mais on dit bara, bara, bara, Elohim. Le verbe au singulier. Le sujet au pluriel. C'est qu'est-ce qu'on nous amène là-bas? La compréhension du langage du Seigneur. Je vous ai parlé dans un enseignement où je parlais que les chrétiens sont des dieux, comme certains groupes enseignent que nous sommes les dieux. En prenant psaume 82, verset 6. Nous avons vu effectivement, je crois que nous avons. Travailler là-dedans, on allait dans le livre d'Exode où Dieu dit clairement, je vais faire de Moïse Dieu, ainsi de suite. Quand vous avez une préoccupation, vous venez devant les dieux. Nous avons pris dans la version Louis II, il a dit que si votre problème, vous avez des problèmes, vous venez devant Dieu. Dans le livre d'Abi, on a dit devant les juges. Je dis, pourquoi David traduit par juge, l'autre se traduit par Dieu? C'est parce que dans l'original, c'est écrit Elohim. Et le mot Elohim veut dire Dieu, ça veut dire juge. Donc ici, il faut arriver au niveau de la compréhension de ce que Dieu vient de dire. Le souci de transmettre littéralement ce qu'on a lu, c'est un danger. C'est pour ça que les traductions et les différentes traductions là, ont des problèmes. Parce que d'autres personnes vont... Prenez un exemple. Ouvre ici. Ouvre Genèse chapitre 1, verset 1 et 2. Ici. Allons-y. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Stop. Au commencement, Dieu créa. Quoi? Le ciel et la terre. Lis ici, allons-y. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a un problème. Vous avez vu un exemple? C'est un exemple. Vous avez vu? Ici, on dit le au commencement, Dieu créa. Ici, c'est le ciel. Ici, c'est les cieux. Qu'est-ce que vous voyez ce qui, voilà un exemple. Oh, ici c'est lui, c'est bon. Ici c'est lui, c'est bon. Vous voyez, vous avez dit, faites attention. Le fait qu'on en ait de retraduire, on en ait de diminuer. Maintenant, avançons, avançons dans la lecture là. La terre n'était que chaos. Stop. Ici, allons-y. La terre était informe et vide. Qu'est-ce que vous voulez entendre là, mais pas là. Vous voyez, ici maintenant, tout à l'heure, au verset 1, c'est au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ici, il n'a pas raison. Ici, il a raison. Maintenant, quand on continue par la suite, il dit que la terre n'était que chaos. L'état était informe. Ici, il n'y a pas raison. Là-bas, il y a raison. Donc, le premier verset ici, il n'a pas raison. Le deuxième verset ici, il n'a pas raison. C'est pour ça que dans un enseignement, je passe à la radio, je dis, si ça, dans un enseignement des musulmans, je dis que si ça vous dépasse, déposez la Bible. Cherchez Dieu, il va se révéler. Quelqu'un m'a écrit sur Internet que, donc tu veux me dire que Dieu se révèle hors de la Bible. Il croit que Dieu a dû parler de l'humanité par la Bible. Dieu parle hors de la Bible et te renvoie maintenant dans son écriture. Et quand il a parlé à Abraham, il a dit qu'il va lire dans telle Bible. Quand il a parlé à Moïse, il a dit qu'il va lire dans telle Bible. Quand Moïse, quand il a dit, je vais me dire, il a dit que ôte le soulier. C'était écrit quelque part que quand quelqu'un dit ôte le soulier, tu vas savoir que c'est le vrai Dieu. Hein, mes chers amis, il dit c'était écrit quelque part que quand quelqu'un te dit, imaginez quelqu'un, Abraham, il habite dans une famille. David déclare dans ce livre de Josué, dans ce livre de Josué, chapitre 24, que sa famille était idolâtre, la famille de Terah. C'est pas ça. Dieu lui dit que quitte la maison de ton père. Après la première fois, il dit quitte la maison de ton père. Il ne s'est pas présenté physiquement. Il prend ses affaires, il quitte là-bas. Qui lui a dit que quand tu entends, tu vas savoir que c'est le vrai Dieu. En quoi est-ce que ça différencie avec les dieux que ses parents servaient? Il n'avait pas un livre sur lequel était écrit que voici la façon de voir. Vous me suivez? Donc c'est pour dire que la Bible est un carnaval, un guide. Vous savez, quand vous passez sur le pont, il y a les tremblements là au-dessus pour arrêter comme ça, pour conduire sur ce chemin-là. C'est sur le livre qu'il a donné. Alors, mais à l'intérieur, donc maintenant, vous aurez des problèmes comme ça. Des problèmes comme ça. Pourquoi? Parce que des bandes de démoniaques sont restées pour essayer de vouloir comprendre la pensée de Dieu. Quoi qu'en faisant, nous avons dit que d'autres personnes ont des intentions de vouloir essayer de détruire le message de Dieu en faisant tout ce qu'on est en train de voir là. Voici un spécialiste, un ex-témoin, je vais peut-être dire. Partout dans le Nouveau Testament, 173 fois dans le Nouveau Testament, ils ont mis Jéhovah. Dans l'original, il n'y a pas un seul endroit où se trouve Jéhovah. YHWH. Mais dans le livre, ça se trouve. Pourquoi? Parce que il faut que quand Dieu vient, pourquoi que Jéhovah soit là-dedans? Qui est Jéhovah? Vous voyez qui il en est. Quel est le but? Donc le but, c'est pour faire enseigner d'autres choses. Donc, mais Dieu voulait. Mais de toute façon, Dieu a son esprit. C'est pour ça qu'il a dit, comme son esprit vous enseigne, son notion vous enseigne, et que son enseignement est vrai, demeure en vous. C'est pour ça que si on entend la voix de Dieu, vous lisez la Bible, vous entendez Dieu parler. Quand ça ne va pas quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous me suivez, bien-aimé. Je vous avais pris le livre de Matthieu, chapitre 25, ici où Judas était venu remettre les pièces d'argent, les 30 pièces d'argent. On a dit que selon ce qui est écrit dans le livre de Jérémie, c'est que selon ce qu'a dit le prophète qui est Jérémie. Mais c'est Zacharie qui a dit cela. Vous lisez, c'est dans Zacharie, chapitre 11, c'est écrit. Il y a des choses que je peux vous secouer. Il dit, je peux secouer le monde entier avec des choses comme ça. Il dit, je peux secouer le monde entier. Le monde entier avec des choses comme ça. Vous êtes pour parler avec Dieu. Je veux que vous me dites ce qu'il en est ici. Je veux que vous me dites ce qu'il en est ici. Que frère génial, où est là, où montre là où Adam a accouché, que ça ne te plaisait pas accoucher avec Adam. C'est écrit en plein là, il ne voit pas. C'est qui est clair, il ne voit pas. Donc, laissons Dieu avancer avec ces choses. Laissons-nous, tendons vers à ce qui est parfait alors, d'accord? Si c'est bon, si vous êtes d'accord avec moi, on a dans ce qui est parfait. Donc, si il commence, il n'y a plus de questions. S'il y a des questions, vous posez là maintenant avant qu'on avance. Comme ça, on a le temps de travailler. Oui, frère. Oui, frère. Je voulais savoir quelque chose dans 1 Samuel chapitre 3. Oui. Le verset 3. Oui. Il a expliqué ça il y a quelque chose pour ce que je veux savoir sur ce que c'est que le conseil de Dieu. Quand il dit esprit, es-tu entré dans le conseil de Dieu pour savoir la pensée de Dieu sur telle chose? Ce genre-là, je crois que vous m'assoyez ici. Tu as entendu ce qu'il a dit? Arrêtez là-bas, arrêtez. Arrêtez. J'ai dit quoi, je vais parler des autres. On est à l'assemblée, vous êtes ici, allez faire votre église ici dans la maison. Ici. Donc, pas de bruit. Oui, pose la question, mon cher. Oui, frère, je veux savoir sur 1 Samuel chapitre 3, le verset 3. Oui. Je lui dis, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'âge de Dieu. Je veux savoir, c'est quoi le temple de Dieu dont on a de parler là-bas? Hein, frère? C'est le temple de Dieu, c'est nous. Vraiment, hein? Donc tu étais là-bas, hein? Il dormait dans ton cœur. C'est terrible, hein? Tu te trouves dans quelle alliance là? Merci. Qu'est-ce qu'on a entendu dire? Temple de Dieu là-bas, c'est quoi? Ok, alors si tu ne réponds pas à la question, moi je ne peux pas avancer. Si c'est juste à ce niveau-ci là comme ça. Pourquoi c'est la maison, frère? Tu ne peux pas croire, tu dois me répondre. Le Seigneur a donné les anges à Moïse pour bâtir quelque chose. Et il y avait une lampe. L'âge d'alliance. L'âge d'alliance qui est le temple de Dieu. Mais tout à l'heure, tu vois, lui, que l'âge d'alliance là était, il était devant l'âge d'alliance. Après, Dieu, cet âge-là était dans le temple. Relis encore la phrase, verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de Dieu. Où était l'âge de Dieu? Donc, que la lame n'était pas encore éteinte, où il y avait l'âge de Dieu, et c'était dans le temple. Tu me dis que l'âge de Dieu c'est le temple. C'est fort, hein? Et attends, tu as d'abord compris, tu as compris le verset. Ok, le temple de Dieu, donc c'est quoi? Là-bas dans ce verset, ça dit de quoi? C'est une maison qui est construite. Tu es sûr? Hein, mon cher? Faites vite, on continue. Quand les Juifs vont sortir de l'Égypte après 430 ans, durant 4 siècles, 400 ans, Dieu va leur donner des juges jusqu'au prophète Samuel. Tu te trouves exactement là-bas. D'accord? Quand Samuel grandit, maintenant, il est en train de dire, celui qui jugeait Israël, il était le prophète juge en Israël. Le premier prophète juge d'Israël. Il est en train de commencer à juger, c'est là où le peuple demande un roi. Après ce roi-là est disgracé, Dieu suscite un roi maintenant selon son cœur. C'est ce roi selon son cœur qui va avoir le désir de lui bâtir un temple, un lieu de repos physique qui est stable. Donc, si on rentre maintenant 400 ans plus tôt, il y avait les tentes. Il y avait la tente qui était transportée. Quand ils étaient de lieu en lieu, comme les militaires, vous avez les croix rouges, mettre les tentes au sol. Il y avait les lévites, ceux qui étaient chargés de faire, ceux qui étaient chargés de prendre toutes ces choses et plier. Donc, c'était mobile. Lorsqu'on met les tentes, on pique les tentes là-bas, ça devient donc la maison de Dieu. Donc, ici, ce n'est pas encore le temple qu'on avait bâti. Ce n'était pas stable. D'accord? C'est Samuel chapitre 7, le verset 13 qui dit maintenant qu'il veut lui bâtir une maison stable en parlant de Jésus, bon, en parlant des fêtes de Salomon. Donc ici, il s'agit d'une tente où il y a l'âge d'alliance où c'était consacré pour que les gens viennent y prier. Quelque chose? Oui, je vais même comprendre. Quand vous dites, je vais comprendre, c'est pas le conseil de Dieu. C'est où là-bas? C'est là-bas. Hein? En fait, tu as oublié le verset, là où le verset se trouvait. Tu ne peux pas me malaxer comme ça. Il voulait poser une question. Il a cherché, depuis là, il cherche le verset où ça se trouve. Il allait dans 1 Samuel chapitre 3. Il a dit, ce n'est pas trouve là-bas, il a versé. Il est allé dans l'autre passage. C'est pour ça que ça l'a dérangé comme ça. Je suis debout, il le suivait. Il croit que les épisodes, il le suivait. Je veux dans le livre de Jérémie, si tu dis ça se trouve dans là-bas pour t'aider, d'accord? Dans le livre de Jérémie, si tu lis le chapitre 15 jusqu'au chapitre 23, Dieu dit que s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple pour les détourner de leur iniquité. C'est là où ça se trouve. D'accord? Maintenant, je t'ai donné l'endroit où ça se trouve et cité ce qui se trouve. Je t'ai dit maintenant ce que c'est le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu est exactement comme le conseil des hommes. Comme par exemple, tu entends par exemple qu'il y a le conseil ministériel sous la présidence du président de la République. Ça veut dire qu'il appelle les ministres où il s'assied pour discuter, donner les différentes directives. Donc si tu avais assisté, s'il avait assisté au conseil de Dieu, Dieu réunit souvent les gens dans les cieux. Ça me fait un genre là maintenant. Dieu réunit les gens dans les cieux. Il est dit que sur la terre, voici ce qui se passe. Mon cœur fait boum là. Dieu réunit les gens dans les cieux. Il dit, voici ce qui va se passer sur la terre. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils ont écouté ma parole, fait entendre mes paroles au Seigneur. Maintenant, je vais donner un exemple ou bien deux pour que vous sachiez. Dans 1 Roi chapitre 22, vous connaissez l'histoire d'Acap, de Josaphat, qui veut monter à Ramon en Galate. Quand Michée se présente, il dit que toute la mer ici a été réunie. Donc, il a assisté à un conseil. Il a entendu tout ce qui se passe. On a dit, qui montera pour séduire Acap pour qu'il monte à Ramon en Galate pour qu'il périsse. L'un a dit d'une certaine façon, donc il était là pendant que la réunion s'est passée. Il a suivi la réunion à huis clos. Il est rentré, donc maintenant il pouvait donc dire sur la terre que si tu montes, tu vas périr. Je vois tout Israël dispersé. Et le Seigneur dit que chacun rentre dans sa tente parce qu'il n'y a pas de berger. Il a assisté encore au conseil. Il peut donc dire exactement ce qui se déroule, ce qui se prépare. Voilà le conseil de Dieu. D'accord? Autre question. Le conseil de Dieu. Il y a des choses qui se passent dans le ciel. Il y a des gens qui sont invités là-bas. Pas que tu disparais de la terre, tu pars avant de revenir. C'est pas comme ça. Tu assistes tout simplement. Les prophètes, c'est pour les prophètes là. C'est pour les prophètes. Je crois que ça touche un peu ce que je vais lire pour expliquer quelque chose. J'attends les questions. Ouais, c'est quoi les signes des zodiacs? Tu as lu ça où? C'est là au niveau des jobs. C'est le signe que tu as dans les horoscopes là. Ça va, frère? Oui. Oui, frère, toujours dans 1 Samuel. Le chapitre 14, le verset 32 dit, et il se jeta sur le buteur et il prit des brebis, des boucs et des veaux. Il les égorgeait sur la terre et il en mangeait avec le sang. Mm-hmm. Dieu avait interdit qu'on a pas mangé. Ça fait quoi? Il avait aussi interdit qu'on fasse le veau d'or. Pour le problème. Regarde mon frère, tu as menti. Si. Tu as volé. Tu as récemment pris. Réponse-moi, il va seulement t'amener quelque part. Alors, mais pourtant, c'est écrit quoi? Comment tu lis dans la Bible? Parce que pour eux, écrit dans la Bible, si tu n'as pas été écrit dans la Bible, chaque jour, tu veux voir que David a volé. David a volé, pas vrai? Hein, pour eux, écrit. Quand tu vas lire David, le roi David qui commet l'adultère, dit hé, commet l'adultère. Nous commettons chaque jour. Tu dis qu'on a dit, il est Seigneur, pardonne-moi. Lui, il est pour sa part, son compte rendu est écrit à l'intérieur. C'est pour dire, tu dis, hey, ils ont mangé, ça avait du sang. Mais pourtant, Dieu leur avait dit comme ça là. Pour eux, c'est déjà passé. Leur est passé. C'est que quand tu lis, la Bible déclare que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous ne les agissions pas comme eux. Donc tu lis comme ça, tu dis, hey, si ceux-ci parlent avec Dieu, Dieu communique avec eux, il donne les ordres, il ne respecte pas. Ça veut dire qu'il faut que moi, je fasse attention. Dieu était dans le camp comme ça, accroché là-bas en haut, alors que la lumière était là. Les gars murmurent là-bas, c'est contre Moïse. Oui, mon frère. J'ai une question par rapport à l'enseignement sur la division. Oui. Oui. Parce que si j'ai bonne mémoire, à la fin, tu as dit que tu conseilles aux gens de casser. Parce que je ne me rappelle plus trop l'autre enseignement où tu as dit que tout ce qui est dans le monde est fait pour servir Dieu. Ça veut dire que la façon dont le chrétien utilise est différente dont le monde va utiliser. Bon, pourtant, nous regardons, le téléviseur ne sert pas toujours pour véhiculer ce qui est mauvais. À plus de raison qu'aujourd'hui, avec le téléphone, tout ce que nous avions à la télé, on peut avoir là-bas. Donc, je pose la question, pourquoi casser au lieu de dire comment l'utiliser? Bonne question. Marc, chapitre 9 dit quoi? Si ton œil est une occasion de chute, arrache. Pourquoi ne pas plutôt attacher une fois fermé? Ou si ton œil, toi, ça ne va pas, tu portes, il arrive, je sais qu'on a question, pour porter les verres, comme ça, ou bien tu mets la colle sur ça, il est dit arrache. Parce qu'il sait que si tu enlèves la colle, tu mets la colle, tu peux toujours enlever. Or, si tu arraches, tu n'auras plus besoin de ça, il n'y aura plus ça pour un endroit. Le pasteur là avait commandé la télévision est entrée. Les gars ont sorti le carton, quand ils ont sorti le carton, il a dit la télévision, le monde chez vous. Le monde est chez qui? Il a dit remettez dans la voiture. Ils sont rentrés avec, ils ont remis à l'intérieur, ils sont partis avec. Il y a une chose, on est allé de mal en pis parce qu'on a commencé à tolérer et philosopher sur certaines choses. Dieu dit dans ce psaume 101, verset 3, que je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Il a dit que tout ce qui est pur, tout ce, en fait, voici la simple chose qu'il peut poser. Il peut dire à quelqu'un que, ok, je te pose une seule question. Est-ce que tout ce que tu vois là-bas, tu le vois ce qui est pur? Ce qui est, tu me dis sur tout ce qui est l'approbation, tout ce que tu, est-ce que c'est ça que tu vois? Malgré que tu dis que je vais contrôler, tu peux pas avoir à contrôler. Si c'est non, ça pose qu'il y a un problème. Donc définitivement, mieux on enlève. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en Japon. Il y avait un garçon qui passait toujours, le garçon là, et je ne savais pas quelle était sa vie. Et c'est plus tard quand il s'est fâché que je me suis rendu compte que chaque fois qu'il venait, je parlais de la télévision. Donc chaque fois qu'il était au milieu de l'assemblée, je parlais de la télévision, je ne savais pas. Et la télévision était donc son vrai problème. Un jour donc, ça s'est gâté. Un jour, il est venu au ménage, il parlait de la foi, l'exercice de la foi, il dit que sa télévision était gâtée, il est parlé chez le technicien. Il est venu là, tendre la main sur la télévision, c'est pour la télévision, c'est allumé, il dit que merde. Même dans la foi marche, il ne sait pas que c'est Dieu qui lui parlait. Après, je lui dis que si ça ne va pas, je lui dis que voici, il est levé, il dit que toi, prends ta télévision, va hors de la maison, dépose là-bas pour que quelqu'un d'autre vienne parler. Il est resté obligé de me regarder comme ça, mais c'était son vrai problème. Donc en fait, voici ce que je lui dis, les chrétiens sont allés vraiment très loin au niveau de telle enseigne qu'on a commencé à tolérer. Quand tu commences à tolérer un peu de péché dans ta vie, ça va t'entraîner au point où tu n'as plus t'en sortir. Donc dès le départ, voilà, nous voilà, un peu de levain, fais lever toute la pâte. Oui, il peut justifier le fait que je sens de voir le journal. Pas vrai? Les informations. C'est déjà une problématique même des informations, parce que les informations sont traitées par qui? Qu'est-ce que tu suis dans ces informations? Toutes les informations sont biaisées, manipulées. Si tu suis l'information du parti au pouvoir, c'est qu'on va te dire ce que le parti au pouvoir veut. Si tu suis pour le parti d'opposition, on va te dire ce que le parti d'opposition veut. Dans l'un et dans l'autre camp, c'est contrôlé par un esprit. On suit ça pourquoi? Tout ce que nous avons besoin pour savoir, pour que ça nous enrichisse, se trouve ici contenu dans la Bible. L'autre dit que je suis Nollywood. Vous venez chez les chrétiens, le pasteur suit comme cela. On dit que le pasteur a trompé sa femme. Tout est écrit assez à l'intérieur. La Bible déclare qu'ils entrent dans les maisons, ils prennent les femmes chargées des péchés, qui apprennent toujours, n'aiment pas, même pas à la connaissance de la vérité. Donc voilà le vrai Nollywood là dans la Bible. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais ce sont les effets de la société. C'est pour ça que je vous ai dit, quelque chose peut être logique. Quelqu'un peut prendre la logique pour expliquer que le pourquoi il le fait. Le pourquoi il le fait n'est pas la vérité. Parce que si tu veux vraiment la communion avec Dieu, tu n'auras pas le temps pour cela. C'est ça qu'il en est en réalité. Donc, prends n'importe quel temps que tu mets devant la télévision. Tu poses seulement la question. Est-ce pour la gloire de Dieu? Ça, c'est un. Et puis, tu regardes maintenant, parallèlement, le temps que tu passes en communion avec le Seigneur. Comparez seulement et voyez où nous en sommes. Oui. Et c'est équivalent pour toutes les autres études technologiques. Voilà, justement, c'est où je voulais en venir. Parce que si nous regardons avec l'évolution des choses que nous avons par exemple WhatsApp et autres, oui. Et toutes ces choses-là, le plus souvent, si on va par exemple sur Ibabamba, tu vois, quand tu tapes Ibabamba, ça va s'afficher. Oui. Quelqu'un d'autre va aller là-bas, il va pas taper Ibabamba, il va taper autre chose. Oui. Qui va afficher ce qu'il veut. Parce oui. Que c'est un moteur de recherche. Oui. Donc, pour moi, je dirais que. De la même façon, quand quelqu'un va aller sur le marché, il va voir un roman pornographique et la Bible à côté, il va acheter la Bible aussi. Parce que c'est quand tu expliques là, je reviens vous dire un peu de devant lever la boîte pour dire que moi je pensais plutôt en fait édifier les gens à aller dans ce sens de dire que bon c'est parce qu'ils sont allés loin. Voilà en fait ce que ça a un peu le causé. Non, moi j'ai pas voulu faire cette nuance là. Je suis allé droit au but. S'il n'y a pas de télévision, on peut toujours suivre Dieu. On n'essaie pas de dire que non, je peux plutôt dire que il faut savoir ce que tu peux aller chercher dans la télévision. Je laisse le soin aux gens qui disent cela, de dire cela. Je dis que c'est un vrai problème en milieu chrétien. Point final. C'est un vrai problème en milieu chrétien. Enlever ça et écarter. C'est jusqu'ici qu'il faut aller. Parce que je vais dire, si tu as une émission par exemple, une émission favorable. Une émission favorable. Puis je vais te dire quelque chose par rapport à la Bible. C'était. Non, je n'ai pas déjà. Je n'ai pas d'émission favorable. Non, je n'ai pas dit ton émission favorable. Une émission favorable, par exemple, Love Story, tu vas dire que ce n'est pas pour le chrétien. Nollywood. Dans Nollywood, il y a des gens qui les filment de ceci, les films pour les pasteurs, vous savez, les différents, les films qu'ils envoient, ils enlèvent des démons sur les gens là-bas. Il y a des gens qui viennent chez eux, comme on a dit que Nollywood 21, ça va, qui a telle chose à 18h, il fait tout, pour te satisfaire. Tu parles encore d'entendre parce qu'il attend que le film, la deuxième partie passe. Il est contrôlé. La question c'est, qui a inspiré ces émissions? C'est la vraie question. Qui les inspire? Lisons d'abord quelque chose. Ah ouais. Ouais, 24 chronos. Je vais vous raconter une histoire quand j'étais à l'université et que je n'étais pas encore converti. Un jour, je quitte l'université, je viens à la maison. Je m'assois, je mets la télévision, vous savez, Canal Plus, quelque chose comme ça là. Je m'assois, je vois, on a poursuivi un monsieur. Il court partout, pas quoi. Il a un téléphone, il appelle, ça ne finit pas. J'étais étonné. J'ai dit, mais celui-ci appelle son téléphone, il n'y a pas le crédit. Alors que moi, je n'ai même pas 25 dans mon crédit, dans mon téléphone. Je dis, il veut. Après, on tire sur lui, l'esprit, on tire sur lui. Je dis, mais c'est moi, ça m'a dit. Je dis, mais c'est qui ça? Après, c'est plus tard qu'on a entendu que c'est Jacques ou c'est Jacques Bourg. Je dis, mais je me suis rendu compte que je suis venu à 15, je me suis assis là-bas, 21 de l'autre jour, m'a trouvé là-bas. C'est quand même curieux. Je dis, je rentre à 15, je m'assois. Quand c'est fini, je dis, j'étais étonné. Je dis, mais on dit qu'on veut tuer le président des États-Unis. Il y a un terroriste qui est en train de faire quoi sur le président des États-Unis ou quelqu'un veut voter aux États-Unis. Il faut qu'on parle, arranger le. On arrête le quoi, vous appelez le commanditaire des cours qui se trouve en Afghanistan, se trouve pas ici. Je dis, mais ceci veut quoi? Le fait de vouloir combattre le scénario, elle est en train de m'entraîner. J'arrive là pour vous voyez quelque chose. Je suis venu, je dis que je ne suis pas allé à la cuisine, quoi que ce soit. J'étais à la maison seul le jour là. Il dépose mon sac là, je m'assois sur la chaise, il fait pas. Il dit, tiens, après ça finit. Il dit que c'est fini. Après, il me tourne, il dit, attends, ces événements se déroulent entre deux heures. Il dit, mais c'est quoi? Je m'assois encore là-bas, il dit, mais c'est quoi? Quand ça finit, je vais aller à la cuisine, attends, ça ne finit pas. Donc ça finissait, ça s'enchaînait. Je suis arrivé, je suis arrêté à 15h, mais le lendemain m'a trouvé là-bas, sur cette chaise-là. Vous entendez ce que ça peut faire si on continue? Vous achetez le CD, quelqu'un marche avec le CD. Il dit que 6 en mai. Donc, dans un CD, il y a 6 séries. Vous dites El Diablo. Vous mettez le CD comme ça, il y a premier chapitre à l'intérieur, deuxième chapitre à l'intérieur, troisième chapitre, quatrième chapitre, cinquième, jusqu'à 6 chapitres. Donc tu t'assois comme ça là. Si un chapitre. Oh, je ne sais pas comment ça passe, c'est 6 heures de temps. Vous voyez, vous avez 36 heures à faire. Et je vous ai dit une chose, que vous sachiez que Dieu a donné 24 heures à chaque personne. Personne n'a plus de 25 heures, n'a plus de 24 heures par rapport à l'autre. Là où nous sommes, chacun a son équivalent, 24 heures. Et chacun de nous a 24 heures. Vous devez gérer ces 24 heures, sachant que vous devez rendre compte par rapport à ce temps-là. Et pendant 24 heures, si tu utilises 8 heures seulement pour des futilités, vous durez 75 ans sur la terre, tu auras fait 20 ans comme ça de futilités. Vous entendez ce que ça peut faire? Hein? Tu auras fait 25 ans de futilité. Donc, si tu dors seulement, je ne sais pas combien tu vas dormir pendant une journée. Tu dors. Ajoute au fait que tu vas te distraire à la télévision. Aller te promener un peu. Donc, tu peux faire dans les 12 heures de temps. Que tu as fait dans la futilité. 12 heures de temps. Parce que quand tu dors à partir de 22 heures jusqu'à 6 heures, ça va te faire 8 heures de temps que tu as perdu pour 24 heures. Tu te lèves le matin, tu dis qu'il m'avait voir chez telle personne pour saluer 2 heures de temps. Voilà 10 heures qui est arrivé sur ça. Sans compter le moment où tu peux pisser, tu peux te laver, tu peux te reposer, tu me reposes, ça fait 13 heures de temps. Donc tu peux te rendre compte sur 24 heures, tu utilises peut-être 2 heures de temps pour jeter un coup d'œil sur des trucs qui concernent Dieu et discuter. 13 heures de temps. Donc ça veut dire que sur 75 ans, vous allez passer peut-être 35 ans dans la futilité. Vous imaginez ce que ça peut faire là? À un moment donné, on commence à approcher la quarantaine, vous regrettez tout ce que vous avez fait dans la jeunesse. Ça veut dire que quoi? La Bible déclare que les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Tenez plus le temps pour la distorsion. Ce n'est pas le moment de prêcher sur le relativisme qu'on peut faire comme ça. Non. Ça, c'est le moment dangereux. C'est le moment dangereux qu'il faut prêcher sur le radicalisme. Qu'il faut qu'on s'en sépare. Parce qu'il faut qu'on avance rapidement. Puisque ces choses-là, où il fallait qu'on peut prendre le message chrétien. C'est justement par là qu'on passe maintenant pour pervertir encore l'œuvre de Dieu plus. Prenez les pasteurs qui sont seulement dans cette vie. C'est combien de pasteurs il y en a, la télévision qu'il y en a. Je ne veux pas seulement raconter les choses parce que ce sont mes frères, ce sont les collègues. Donc, voici Jacques Bauer qui m'assoit ici, 24 heures, il dit 20, voilà, si tu vois le titre, c'est 24 heures chrono. Non-stop. Donc, 24 heures, dans un livre que tu es 24, il prend tout ça. Il dit ces événements se déroulent entre 12 heures et 20 heures. Le jour des quoi des sénateurs des États-Unis. Entre temps, à l'intérieur, il y a le stade de la drogue, il peut tuer quelqu'un, il tape quelqu'un, ça n'entre dans tes pensées, tu ne sais pas. Il faisait chapitre 4. Donc s'il y a des jours mauvais, il dit d'abord pas avec les mauvais en ce jour parce qu'il a vu sa part là-bas. Ici c'est un jour ultra mauvais. S'il a dit racheter le temps, maintenant c'est filer derrière le temps. El Diablo. Love story. Télé-réalité. Ça ne fait que passer. On met entre le soir, le divin le matin. Pour faire quoi? Pour distraire les gens au maximum. Regardez, chapitre 4 d'Éphésiens, à partir du verset 17. J'aime ce verset particulièrement parce que c'est plein. Plusieurs choses y sont contenues, tout simplement. Regardez. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans l'Église, dans le monde. Où ça? Dans le Seigneur. Vous avez vu cela? Donc la question, c'est simple. Il faut qu'on se pose. On se trouve où? Dans le Seigneur. Si c'est dans le Seigneur, ça a sa façon de marcher. Ce n'est pas ce relativisme qu'on dit, moi je pense qu'il n'y a pas de pensée. Voici une règle qui est dictée. Dans le Seigneur, il dit, voici ce qu'il déclare. C'est une déclaration, donc c'est un postulat. C'est une formule qu'on ne discute pas. Quand on dit que quoi, le théorème d'Einstein, le théorème de ceci, le théorème de Sinner Descartes. Tu viens le mettre ça en cause. Il dit que la lumière qui est d'un point A reflète à un point B va arriver au point C. Prends le même chemin retour si on envoie dans la même direction. Point final. Tu appliques ça, ça donne, pas vrai? En fait, tu n'appliques pas, les patins vont corriger, tu vas voir que ça commence à rendre zéro. Donc, maintenant, tu fais la théorie de mathématiques en classe, on t'en fait que si c'est comme ça, si AB sur AB égale c'est ça, suppose que le triangle est un rectangle. C'est le théorème de Thalès. Là, tu ne discutes pas. Le jour où tu donnes les si tu appliques tel qu'on a fait. Mais quand c'est pour Dieu, tu ne penses pas que il faut, dans mathématiques, tant qu'il faut qu'on change A à B, tu vois ce qu'on va devenir comme. Alléluia. Il dit voici donc ce que j'ai dit et ce que j'ai déclaré dans le Seigneur. C'est que vous ne pouvez plus. Vous devez plus. Souligner devez. Lorsque vous allez lire dans la Bible, prêtez attention à ce genre de mots. Ici, donc, il ne s'agit pas de quelque chose où on demande l'avis de quelqu'un. Donc, voici le postulat. Es-tu dans le Seigneur? Ok. Voici ce que ça doit être. Es-tu dans le Seigneur? Voici ce que ça doit être. Ça veut dire que nous ne venons pas dans le Seigneur pour donner notre pensée. On se retrouve quelque part que on a déjà pensé quelque chose, il faut qu'on se... Enfin, on va voir ça en bas là. Quand on a déjà dit quelque chose, et donc nous sommes obligés de nous y soumettre. C'est-à-dire que quoi? Nous devons entrer là-bas. Si nous entrons avec une pensée, en arrivant là-bas, nous devons faire place de nos pensées, suivre cette pensée qui est derrière là. Un peu comme nous avons trouvé les formules mathématiques. On dit que c'est si. Vous allez seulement suivre là. Chaque année, le professeur mathématique va donner le cours de trois, va donner le cours de paramètres, le théorème de Thalès. C'est la même chose qu'il donne chaque fois. Il prend le même cours, il s'assoit là-bas, il dit la même chose. Ça change pas des années. Mais nous voulons changer la parole. Nous voulons que la parole de change à notre profit. Tu ne penses pas qu'il faut moderniser la parole de Dieu. Il faut que Dieu va comprendre. Dieu va changer ses formules à cause de ta modernité. C'est à cause de ma tiédeur. Vous voyez, ce sont ces choses-là qui ont dilué le fait que. Bon, avançons ici. Il dit que vous ne devez plus marcher. Vous voyez le mot, n'est-ce pas? Marcher. Quand on parle de marcher, c'est que ça veut dire le style de vie. Marcher, ça ne veut pas dire que je suis en train de marcher sur la route. Ça ne veut pas dire que si tu marches comme ça, là, moi je marche maintenant, je marche chrétien. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que notre style de vie doit devoir changer. Il dit, ça veut dire quoi? Si quelqu'un dit qu'il est dans le Seigneur et que son style de vie n'a pas changé, il y a un problème du revêtement. Il n'y a pas un changement de son vêtement. Et l'apôtre Paul explique toujours dans cette phrase-ci, c'est qu'il est la cause. Et voyons cela, puis on avance là. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Donc il veut dire, le style de vie des païens est différent de le style de vie dans le Seigneur. C'est ce qu'il a dit. Il dit, voici ce qu'il déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. C'est d'où le style de vrai problème. Il dit que le style de vie des païens, c'est contrôlé par un style de pensée. La question maintenant c'est, les pensées dont là sont contrôlées par qui? Il dit, dans le chapitre 2, il dit que c'est de l'esprit qui agit maintenant sur les fils de la rébellion. Donc il y a un esprit qui agit sur eux. C'est pour ça qu'il pose la question, qui inspire ces choses? Qui inspire Jack Bauer? Vous voyez, c'est tellement logique. Tout est bien dit, que quand ça fait, dire, vraiment les bonnes choses, Dieu ne dit jamais. Les choses du diable sont sucrées. Les choses du diable sont sucrées. C'est sucré. Mais pour eux aussi, ça absorbe. Ça t'attire pour te mettre dans le labyrinthe, dans le ventre du grand Léviathan. Ou à un moment donné, pour te détacher, c'est un autre problème. Pour te détacher, c'est un autre problème. Regardez. Il dit, après comment il a expliqué ce qui est dans leur intelligence. Ils ont l'intelligence obscurcie. Vous avez vu? Maintenant, voici quelqu'un qui a inspiré le film Jack Bauer. Il y a James Cameron et autres là-bas, et tous les autres films que vous voyez, James Bond et autres. C'est tellement bon au plan humain, c'est ce qu'on prend ça comme référence pour pouvoir former les militaires. Mais le Saint-Esprit dit que celui qui a inspiré ça, son intelligence, est quoi? Obscurcie. Mais c'est bon pour le monde. Je vous ai dit que les choses peuvent être logiques dans le monde, bon, mais ce n'est pas la vérité. Parce que tout ce qui est là, la face qu'on voit maintenant qui est logique sur le plan humain, c'est uniquement diabolique. Et en fait, c'est destiné pour conduire l'humanité à la dérive. Maintenant, je veux dire quelque chose avant d'avancer dans cette lecture-ci. Pendant la période, vous avez entendu parler de Pearl Harbor, vous avez entendu parler de la guerre du Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam et toutes les guerres que les États-Unis ont eu à faire, ils ont un système. Au Pentagone, il y avait des budgets spécialisés pour allouer à Hollywood pour tourner les films. Enfin, non, ils ont diminué cela parce que c'est autre chose. Vous voyez, sauver le soldat Ryan, un soldat qui se tient, se trouve en territoire ennemi, on envoie des forces spéciales commandées pour qu'il parte dans le camp ennemi, il puisse enlever. Un attentat qui va se poser aux États-Unis, on fait tout et tout pour aller dans le pays pour capturer celui qu'on a de faire. Vous venez, regardez le film fini. On voit le ministère de la Défense des États-Unis. On cite les noms des personnes qui ont alloué le film, des budgets colossaux. Qu'est-ce qu'ils sont en train de présenter? Ils présentent la victoire chaque fois des soldats américains sur l'ennemi. Ils préparent les gens sur le terrain des temps que vous dites que les soldats américains sont forts. La majorité des choses que vous dites que les soldats américains sont forts, c'est pas ou n'avez pas vu physiquement. C'est les films qui vous ont donné cette impression. Rambo, il met les couleurs sur lui. Son bras est gros comme ça, il porte son fusil, il entre dans le champ. On fait boum, il esquive toujours. Donc, la bombe ne tombe jamais sur lui. Quand on fait quelqu'un, il se baisse. Il regarde la personne et lui, il tape une fois, il fait ah. Donc, ça part de fusil à l'œil. Donc, il a dépassé comme ça, on entend quelqu'un. La mitraille, on fait comme ça, 20 balles par seconde. Ça sort 20 balles, lui, il esquive ça. On fait quelqu'un, il se baisse, il fait comme ça. Là. Mais quand il fait pam, ça prend. Tu entends ah, on monte vraiment comme ça, il est mort. Qu'est-ce qu'on a de faire chez vous, mon Dieu? L'effet psychologique. On a des hypnotisés préparés à comprendre qu'ils sont plus forts que vous. Donc, ils choisissent les Chinois, les Japonais pour montrer que malgré qu'ils sont beaucoup. Lui fait que, on les appelle les 500 francs. Une personne comme ça, on dit Delta Force, lui pas. Il fait que, ils sont dans les herbes. Malgré que le gars est caché dans les herbes, il se lève. Il dit ya. Donc, quand ceux-là sont tellement bêtes que quand ils sortent, ils sont venus, il te fait ya pour signaler qu'il est là. Ou tu te tournes, tu tisses sur lui. Vous voyez, quelque chose ne va pas sur, sur le menton. Alors la Bible déclare ici qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Les États-Unis connaissent la guerre de médias. Cette chose, c'est sur le mental. Il y a encore une autre chose, rappelez-moi que je vous parle de cela. L'emprise des publicités sur le subconscient. Notez cela pour que j'en parle plus tard. L'emprise de la publicité sur le subconscient. Si je prends des choses et mets ici sur la table, quelqu'un va dans la chambre, on ferme ses yeux, on attache les yeux. Je viens passer seulement au niveau du nez. Avec en sentant seulement l'odeur, vous pouvez détecter ce que c'est. Pas vrai? Comment vous savez que c'est ce que c'est? Parce que vous avez déjà eu à entrer en contact avec cela. Donc, enfin, je ne vais pas parler de cela maintenant, de ce que les recherches. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-bas sur la manipulation mentale par les odeurs. McDonald's a dépensé des centaines de millions pour faire des choses-là pour qu'on puisse faire. Quand quelqu'un sent même l'odeur de pizza, il se distingue par rapport à McDonald's, par rapport au McDonald's et aux autres. Donc, on va toucher cela. Donc, on joue sur les publicités. Les couleurs des publicités, des plaques publicitaires, les messages qui sont traduits, les petites notes qui se passent en bas ne sont pas choisies au hasard. Plus tard, tu vois l'enfant dire que moi, j'aime manque le Coca-Cola. On montre les films, vous voyez toujours en arrière-plan Coca-Cola. Donc, voilà autant de choses. Mais le Saint-Esprit dit ici qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Où est-ce qu'il dit? On a dit que la vie des païens là, il dit qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Arrêtons sur ce point-là et parlons. Il a dit aux chrétiens que vous ne devez plus marcher. Après, il dit comme le païen. Donc, on nous a montré la différence des marches par rapport à eux. Après, ils ont dit, ils ont quoi? L'intelligence obscurcie, parce qu'ils marchent d'après la vanité de leurs pensées. Donc, les pensées des païens sont vaines. C'est quoi la vanité? Tout ce qu'on cause sur le soleil. Donc, si vous voulez savoir la définition de ce que l'apôtre Paul dit là-bas, lisez Ecclésiaste, tout ce qu'on a listé là-bas. Donc, tout ce que l'Ecclésiaste a fait, les recherches dans le monde pour voir effectivement que vous faites n'importe quoi, vous allez courir contre le vent. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'importance de toutes ces choses-ci. C'est ça que les païens font. Ils disent que si vous suivez les païens, c'est ça qu'ils vont vous injecter. Et c'est ce que la télévision donc fait. C'est ce que la télévision donc fait. La télévision même vous prépare à admettre ce que la vie de Dieu en vous n'admettrait pas. Et au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on répète les publicités. Pourquoi? On cherche des moments où il y a la masse devant la télévision. Vous savez effectivement qu'il doit avoir la Coupe du Monde. Il doit avoir une Coupe du Monde. Il y a une finale de la Coupe du Monde. Les espaces publicitaires sont plus chers. Parce que beaucoup de personnes sont concentrées sur ça. Il faut qu'on présente le produit. Vous dites une seconde ou vous entendez 15 secondes là-bas, 150 millions. Pour pouvoir passer une publicité, une petite publicité de 15 secondes. Pourquoi? Parce que ça va toucher le mental de plusieurs. L'humanité est en guerre et le champ de bataille maintenant c'est au niveau des pensées. Alors, le style de vie vaniteuse des païens donc, se trouve donc que si on te fait confronter ça normalement, en tant que normal, si tu n'as pas été influencé, tu vas refuser. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on te déinjecte ça petit à petit dans la pensée, de façon que ça se construit au fur et à mesure. Ta pensée est touchée, tu ne vois pas de mal. Dans un film, on va voir une jeune garçon, ou un petit garçon, on va embrasser une jeune fille. Dans le film, ça ne fait absolument rien. ça ne semble pas que c'est comme si c'était atteint à la pudeur. Dans un autre film, on montre comment ils font, on montre comment les cuisses sont nues, petit à petit, ça après on ferme un peu les seins. À un moment donné, on montre seulement les seins au niveau du miroir, comment quelqu'un se lave. Les petits seins, ça se construit. Petit à petit, l'enfant est préparé pour accepter la pornographie. Il a accepté pour le petit amétisme. Il est préparé. On ne dit pas que accepter le petit amétisme. Il n'y a pas un enseignement, il n'y a pas un film comme ça. Accepter le petit amétisme, non. C'est ça. On construit l'image. Satan a de préparer les plans minutieusement. Il met un dans un film. Il met l'autre dans un autre film. Il met un dans un autre film. Après, tu vas dans un film, tu vois comment un homme regarde un homme. Ça. Tu comprends qu'il a dit qu'il aime cet homme-là. Sa tête a été prêchée que les hommes aiment les hommes d'une certaine façon spéciale. Tu vois, mais à un moment donné, on voit comment l'homme fait ça à un autre homme. L'homosexualité. Après, ils sont ici, c'est un cas homosexuel. Après, on dit qu'on peut faire le débat à la télévision. Désormais, quand tu vois les homosexuels, ça ne dit plus rien. Tu as admis. Ça se trouve donc en toi d'ailleurs injecté. Prêt maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il commence à agir maintenant dans toi. Il commence à te mettre derrière les gens qui ont fait l'expérience. À un moment donné, tu es tenté donc aller à l'intérieur. Ça n'a pas commencé là-bas. Ça a commencé depuis le moment où tu as commencé à voir ces choses-là. C'est ça le vrai problème. Vous me suivez? Alors ici, il dit qu'ils marchent d'après la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Il dit qu'à cause de l'ignorance. Donc ça veut dire que malgré toutes ces prouesses qu'ils font pour découvrir les choses, pour nous montrer les choses, la Bible dit qu'ils sont ignorants. Donc les choses que nous voyons là, les découvertes que nous voyons là, c'est sorti de l'ignorance de l'homme. Et à cause parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire la vie de Dieu n'inspirerait pas ces choses, ces façons de vivre. C'est pas ce qui est écrit là. Hein? Maintenant, regardez. Verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Donc vous allez voir que tout ce qui est présenté là-bas, le train commun c'est la cupidité, donc l'orgueil de la vie, la soif de beaucoup posséder, avoir l'orgueil. Remarquez tout simplement, voyez Mero's Place, toutes les autres choses que vous voyez là-bas. Vous voyez qu'on passe le temps, ITV, une femme va dépenser plus de 200 millions pour mettre le silicone dans son sein. Après présent cette silhouette là, vous voyez qu'une fille commence à porter maintenant les vêtements Kim Bechlin, Kim Shangastan, aussi Kim Shangastan. Si vous vous appelez qui est là, les reins commencent, ils veulent faire comme Kim Shangastan. C'est parce que vous connaissez ces choses là, vous savez. Docteur I, il opère les seins, spécialiste en, il refait les seins des femmes, il refait les fesses des femmes. Une femme vient, elle dit qu'elle dépensait 200 millions d'euros pour qu'on refasse mes seins. J'ai une belle silhouette maintenant. D'autres, on a tordu leur bouche comme ça. Là. Ils commencent à regretter. Ils peuvent porter plainte parce qu'on a tordu leur bouche. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ils veulent refaire son visage, refaire leur nez. Qu'est-ce qui ne va pas avec les hommes? Étrangers à la vie de Dieu. Vous me suivez, frère? Alors, la Bible déclare que ceux-ci, ils ont perdu tout sentiment. Ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité. Donc, ça veut dire que citer n'importe quelle impurité, ça c'est inclus dans toute espèce. La Bible n'a pas besoin de citer cas par cas. Donc, au fur et à mesure que quelque chose sort de nouveau, il est dans toute espèce d'impurité. Je viens de la cupidité. Verset 20, maintenant, écoutez très attentivement. Il dit « mais » pour dire que c'est différent. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Donc, ça veut dire que toutes ces choses ne se trouvent pas de la même façon. Souvenez-vous de ce qu'il a dit dans le départ. Il dit « voici ce que je dis, ce qu'il déclare dans le Seigneur. » Il dit « ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Après, il dit « si du moins, c'est le vrai problème ici là maintenant. Si du moins, quoi ?» Vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus. Donc ça veut dire qu'il y a un style de choses que les chrétiens sont censés savoir. C'est pour ça qu'il dit que moi je ne dirais pas comme tu as pensé là que comme les gens relatifs un peu à la télévision, je ne dirais pas parce qu'il y a une vérité. Donc, la vérité c'est qu'il faut qu'on se sépare de tout ce qui est mondain. Amen. C'est la vérité là maintenant. La vérité c'est que le temps est court. Si le temps était un peu court, maintenant c'est extrêmement court, on n'a plus de temps. La vérité, c'est que Satan a multiplié les œuvres de distraction au point où vous dites, vous fuyez Facebook. Mais celui qui a créé Facebook, celui qui a créé WhatsApp. Vous voyez comment vous fuyez ici, vous tombez ici. Ah, je ne suis pas sur Facebook. Tu as dit WhatsApp. Si les empreintes sont finies, les empreintes sont déjà finies. Il y a quelque chose qui ne va pas au milieu de nous. Quelque chose ne va pas. Je vais vous poser une question maintenant. Pendant le 1 mois, si nous sommes le 20 février. Je vous lance le défi. Combien de fois avez-vous feuilleté votre téléphone sur WhatsApp? Et combien de fois avez-vous feuilleté la Bible? Réfléchissez seulement les 20 derniers jours et observez ce qu'il en est. Multipliez ça maintenant tous les 12 mois et voyez. Ou mieux encore, pesez votre temps que vous passez devant Dieu. Pesez le temps que vous passez devant ces distractions et voyez là où vous en êtes. Et la Bible en donne les injonctions. Nous sommes au temps de la fin. Courez le droit chemin. Vous pensez qu'il ne peut pas prêcher autrement que cela? Il dit, si du moins, verset 21, vous l'avez entendu. On dit que... Oh, si on vous a, c'est-à-dire que si on vous a enseigné de la bonne manière la vérité qui est en Jésus, ça veut dire que si on n'enseigne pas de la bonne manière, on va se comporter comme les païens. Est-ce que vous comprenez? Par la suite, il dit maintenant que c'est en lui, lui aimé pour le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes dans le verset 21. J'espère que vous voyez, conformément à la vérité qui est en Jésus. Puis il dit, c'est en lui, lui Jésus. Vous avez moi? Que vous avez été instruit, souvenez instruit. Soulignez ça. Le terme instruit donne quelle connotation ici? Quand vous avez été instruit. Comme un ordre. Comme un ordre. Il dit, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Donc, après que quelqu'un ait connu le Seigneur Jésus-Christ, on doit lui enseigner le principe du dépouillement. Il y a quelqu'un qui m'avait contacté, il y a deux personnes, ça dit que quand tu passes sur la radio, tu parles des trucs de Satan, tu parles des trucs de ceci, tu n'enseignes pas les enfants de Dieu. J'ai ri jusqu'à fatiguer. Donc, la personne aurait souhaité qu'il vienne dire que Jésus-Christ est amour. Le Seigneur Jésus-Christ est amour, il aime tellement, il est mort à la croix. Il dit ça, si tout le monde connaît cela. Il y a l'évangélisation qui est une chose. Il y a la prédication qui est une chose, il y a l'enseignement qui est une chose. Il dit que il y a l'instruction aussi. Il dit que l'instruction, on devait donner l'instruction pour enseigner aux gens à se dépouiller. Or, il passe à des, il dit, mais vous, donc ceux qui sont devenus chrétiens, dont les chrétiens ont les enseignements, tous ceux qui acceptaient sa parole, baptisés en ces jours, le nombre de disciples augmenté, donc sont devenus disciples. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres viennent pour dire que sachez que Jésus est mort à la croix pour vous. Ils ont compris ça. Ils passent à une autre étape. Tu vois, ça touche le verset que tu as posé tout à l'heure comme question. Il a dit que laissons les éléments de Christ à ce sens-là. C'est-à-dire que laissons les petits éléments, les rudiments. Quand vous avez que. Colossiens chapitre 2, verset 6. Maintenant que vous avez connu Christ, marchez en lui. C'est en lui qu'on doit marcher. Donc, la façon de vivre, c'est surtout en Christ. Ouais, n'est-ce pas? Ne permettez pas que les gens vous trompent par les philosophies des hommes. En vous trompant par des vains discours. Ne s'appuyant pas sur Christ. Donc, en Christ, après être en Christ, il y a un style de message. Et c'est ça qu'on parle de perfectionnement. Ce que tu tolérais dans le monde. On amène ça à la lumière de la parole de Dieu. On te montre pourquoi Dieu rejette cela. Dieu n'a pas besoin d'appeler le nom spécifique de la télévision là-bas dedans. Mais la Bible parle grandement de la télévision dans le livre de l'Apocalypse. Vous voyez ça, n'est-ce pas? La Bible parle des téléphonies et de l'Internet dans l'Apocalypse. C'est en plein là-dedans écrit. Par rapport à ce que c'est l'Antique qui va utiliser pour le faire. Donc quand il me tient, il se dit, vous voyez, les gens sont en train de creuser partout. On passe le câble, on parle de fibre optique. Ça veut dire que la moisson bientôt va mûrir. Qu'est-ce qu'il y a à part? On va commencer à contrôler les gens. D'abord même. Avec votre téléphone, vous avez des communiqués. On peut venir là, on dit que vous avez envoyé un message contre la France. On vous apprête là-bas. Comment t'as repéré? Par GPS. Donc, c'est pratiquement mis à nu maintenant que Satan peut maintenant venir sur la terre. Il peut se manifester. Il a tout pour contrôler les humains. Tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut que le câble passe partout pour qu'il ait, parce que comme il n'est pas Dieu, pour qu'il puisse contrôler et les gens et les villageois au là-bas. Le moment va arriver où il y aura un recensement mondial de la population. Le moment va arriver. Où il y a un recensement mondial de la population. Et le moment va arriver où on va dire qu'il faut que même ceux de l'Amazonie sont obligés de se moderniser. Obligés de se moderniser. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'ils fassent cela pour contrôler tout le monde, pour être sûr que tout le monde est sous la coupe. C'est dans ses lunettes. Mais maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit ici, dans ce livre d'Éphésiens chapitre 4? Il dit que si du moins vous l'avez appris, il dit que c'est en lui que vous avez été instruit. C'est en lui que vous, les chrétiens, vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est quoi le dépouillement? C'est-à-dire quand on t'a dépouillé, on a enlevé certaines choses de toi. Donc les chrétiens, ceux qui deviennent chrétiens, sont d'abord sujets, soumis à l'obscurité, à un style de vie. Et ce style de vie provient, même si c'est bien, de l'ignorance. Et de l'ignorance, celui qui contrôle le maître de ce style d'ignorance-là, on l'appelle le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant sur les fils de la rébellion. L'apôtre Paul dit dans ses Éphésiens chapitre 2 que nous étions aussi parmi eux, dans ce train-là. Ça a mené. C'est quand tu es sorti du train que tu as vu que merde, j'étais dans quel train-là. Le train-là, c'est que masturbation. Le train. Chaque compartiment avait sa part de péché. Donc d'autres personnes disent que non, je ne pêche pas, moi, je ne vole pas, mais il y a la masturbation. Et là, il ne marche pas dans l'impurité. Style, l'impurité. Le wagon de l'impurité, alors c'est vaste, dit la Bible. Donc il y a le wagon de l'impurité. Je ne suis pas dans le mot sécurité, mais j'enlève seulement les enfants. Là, il est dans le même wagon. Donc chacun était dans le wagon. Et l'apôtre Paul dit qu'ils sont sortis de là. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Alors, il dit qu'on doit enseigner aux gens à se dépouiller. Après, il dit, dans ce verset 21, il dit, eu égard de votre vie passée. Donc, il y a un dépouillement. Eu égard de votre vie passée. Donc, après qu'on vient en Christ, vous voyez, quelqu'un vient en Christ. Quand il y a passé déjà d'enseignement, on passe autant les gens d'enseigner que sème, Dieu va te donner, ça va changer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le monde, on appelle les gens, vous dites meurtre, vous appelez crime contre l'humanité. Ça, c'est crime contre l'humanité en grand. Parce que quelqu'un croit qu'il est sorti et il est en plein de se tuer. Il faut enseigner aux gens un style de vie. Le style de vie qui manifeste la vie du Seigneur. La personne croit maintenant, la personne a accepté, a fait un premier pas que de sortir de là-bas. Mais on le maintient dans le style de vie qu'il avait avant et on dépouille son âge. Or, la Bible déclare que comme après qu'il marche en lui, on doit évoluer. On doit évoluer. C'est pour ça que ce livre d'Éphésiens montre les trois étapes. Il dit que nous sortons du monde, nous marchons avec lui, on ne s'assoit pas avec Christ. Le lieu, seul lieu où on s'assoit pour se reposer, c'est en haut. Nous sommes assis avec lui dans le lieu, c'est parce que là-bas, il n'y a pas d'œuvre à faire. C'est ici sur la terre qu'il y a l'œuvre. Il y a quelque chose à faire, on doit marcher. C'est dynamique, on doit marcher, suivre ce mouvement-là en marchant de façon saine. Est-ce que vous comprenez? Et il parle de ce pas dit que il va dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair, donc il y a un combat. Dans cette marche-là, il y a un combat à livrer. Voilà les trois étapes de combat. Marcher, combattre, assis. Voilà les grands thèmes qui sont développés dans le livre d'Éphésiens. Et ce style de marche, donc, il parle de style de vie chrétien. Et donc, quand on est chrétien, on ne dit plus que Jésus-Christ est bon. Si on peut besoin de prophétiser à quelqu'un que Jésus-Christ est bon, parce qu'il a expérimenté. Vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivant. Ne rejetez pas les hommes, mais choisissez précieuses pour Dieu. Vous suivez? Donc, en Jésus, maintenant, il y a un style d'enseignement. Cet enseignement, la Bible l'appelle la saine doctrine. La saine doctrine concerne tous les compartiments de la vie de l'être humain sur la terre pour régulariser cela afin de l'orienter vers la volonté de Dieu. La saine doctrine concerne tous les compartiments de la vie. En fait, c'est le code de conduite pour la vie de la piété. C'est la saine doctrine. C'est le code de conduite divin. Vous me suivez? Sans la saine doctrine, quelqu'un ne saura pas comment se dépouiller. Voilà pourquoi l'une des choses qu'on enseigne par rapport à la saine doctrine, ou par exemple dans le petit chapitre de que nous citons chaque fois, il dit que dit ce qui est conforme à la saine doctrine. Deux points. Dit que les femmes âgées, enfin, il dit que les vieillards doivent être sobres. Donc le fait que si on a au milieu de nous, frère, est-ce qu'on peut boire le vin? Vous comprenez qu'il y a un style de vie encore mondain qui se trouve en milieu. Alors qu'est-ce qu'il faut entrer? Vous les hommes, vous devez être sobres. Au lieu de passer votre temps nécessaire, passer votre temps, être saoulé du Saint-Esprit. Voilà la saine doctrine pour régler ces conditions-là. Est-ce que si elle porte le sexe comme ça, est-ce que ça dérange quelqu'un? Le problème, c'est que tu ne t'entends pas te déranger. Non, je porte, ça ne fait pas du mal à quelqu'un. Moi, j'ai fait ça, ça me plaît. Vous ne devez plus vous plaire. La Bible déclare que soit que nous vivons, soit que nous mourons, nous vivons et nous mourons pour ceux qui sont morts et ressuscités pour tous. Donc nous ne sommes plus libres pour nous plaire, mais vous plaire au Seigneur. Donc il faut amener l'enseignement pour réparer, perfectionner ce style de pensée. Vous suivez mes chers amis? Alors la sainte doctrine donc, concerne tout le compartiment donc, de la vie, donc de la marche. La sainte doctrine, donc, c'est le chemin par lequel marchent les chrétiens. La sainte doctrine, c'est le chemin par lequel marchent les chrétiens. Parce que la sainte doctrine, c'est l'enseignement de Jésus-Christ et de ses apôtres. Vous suivez? Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Il dit que c'est en lui, en Jésus, que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc, en Jésus-Christ, notre Seigneur, il y a un style d'enseignement comme ça. Et les gens ne veulent pas comprendre ça. Qu'est-ce que les gens ont compris? Est-ce qu'on a mal enseigné? Ne comprenez pas la sainte doctrine. Les gens ont dit que non, nous sommes sous la grâce. Voilà ce qu'on a compris de la sainte doctrine. Que comme Jésus nous a libérés, je suis libre. Libéré! Je suis libéré. Libéré de quoi? Jésus n'a pas venu dire que tu es libre. Il est venu dire que tu es libre à l'égard du péché. De telle sorte que maintenant on est emprisonné. On est libre à l'égard des péchés. La Bible déclare, il nous a délivrés ici pour nous faire esclaves. Vous savez ça, hein? Nous sommes esclaves maintenant du Seigneur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc maintenant, nous ne sommes plus assujettis au péché. Vous me suivez bien. Lisons Romains chapitre 6, là. Vous me regardez comme ça, là. On y va. Regardons le verset 15 de Romains chapitre 6. On aura le temps de revenir sur cela lorsqu'on va continuer avec les... Souvenez-vous de l'enseignement partiel bâti de nos faiblesses à nous conduire à Christ. Souvenons-nous de l'enseignement, voyons la vérité en face. Souvenons-nous de l'enseignement, résoudre les problèmes profonds de notre vie, à la racine. Souvenez-vous de tout cela. Chapitre 6 des Romains, il dit verset 15, quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? La question si les chrétiens de cette époque devraient réfléchir sur cette question que l'apôtre Paul nous parlait. Quel est le style de vie que nous menions maintenant? Et comme le frère pose la question, vous voyez comment sa question est d'aller là maintenant. Quel est le style de vie? Parce que la télévision, l'un des moyens de la télévision, c'est pour manipuler nos pensées à vivre d'une certaine façon. Que vous l'admettez ou non, que vous dites que non, la télévision ne peut pas avoir le contrôle sur toi, ce n'est pas, il ne demande pas ta volonté. L'endroit où la télévision peut aller jusqu'à toucher, ce n'est pas ton cerveau. C'est au niveau, au-delà de ton cerveau que tu peux penser, dans ton subconscient. Alors, tu vois un film zombie dans la nuit, tu rêves comment tu es avec le zombie. Est-ce que dans ce domaine, tu as le pouvoir? Ça n'est juste ton subconscient. Tu vois comment on poursuivait l'acteur dans la nuit, c'est toi qui deviens l'acteur. Tu es caché, tu te baisses, tu te tires aussi. Alors que tu ne sais même pas manier là, qu'est-ce qui se passe? Tu te trouves à l'intérieur. Il y a même grave encore, il y a des jeux de rôle comme Dungeons et Dragons, où les gens participent. Maintenant, les gens portent les casques, où ils vont dans les films, c'est quoi? Les salles de vidéo où les gens portent le casque. Ils deviennent acteurs vivants. À l'intérieur. Donc, ton âme et ta pensée, c'est tout dans le jeu. Les personnages sont montés par des démons. Les gens sortent de là-bas possédés. Donc, ici, il dit, quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Il dit, ah, Dieu, Jésus nous a libérés, on est plus sous la loi, n'est pas plus de la loi aux gens. La pauvre dit, ok, vous pensez, quand vous êtes sous la grâce, là, nous allons continuer à prêcher parce qu'on nous a libéré de la loi. Après, il dit, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Vous avez entendu ça? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, de l'un et de l'autre camp, vous êtes esclave. Moi, je préfère être esclave du Seigneur Jésus-Christ, comme c'est 1 Corinthiens 7, verset 22 nous dit. Je préfère être esclave du Seigneur Jésus. Il dit, vous êtes esclave, quand vous livrez, vous êtes esclave. Donc, va dans le monde, automatiquement tu deviens esclave. Viens en Christ, automatiquement tu deviens esclave. Or, l'esclave ne dit pas que non, je ne vais pas faire ceci. Il est commandé par un maître. Ce qui est là, c'est que quand nous sommes dans le monde, quand nous sommes esclaves du péché, nous ne commandons pas au péché. Le péché nous commande. Quand nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, nous voulons commander le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons qu'il marche comme nous voulons. Moi, je ne trouve pas de mal à cela. Je ne trouve pas le mal à mon habillement. Mais quand tu es dans le monde, tu ne trouves pas le mal à l'alcool. Mais malgré que tu sais que ça saoule. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, frère? Donc, quand nous sommes... C'est-à-dire que lorsque quelqu'un quitte le monde pour le Seigneur, il souhaiterait que les choses marchent comme lui, il veut. Quand il prie, je veux mon miracle aujourd'hui. Dans le monde, quand il dépose l'emploi, le bureau, ça s'appelle le dossier dans un bureau, il n'est pas chaque fois que je peux toquer le bureau. Vous avez fait comment avec mon dossier là? Il attend juste à ce que le jour son téléphone sonne pour qu'il sache si lui ou non on l'appelle. Mais quand il donne chez Dieu, je dis Seigneur, guéris mon enfant. Dieu tient pas encore guéri mon enfant. Il le gronde même. Dans le monde, on était un peu patient. Dans le Seigneur, on peut plus être un peu patient. On ne comprend pas qu'il y a un style, une façon de marcher là-dedans. Continuons ici. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, écoutez bien, après avoir été esclave du péché, vous avez vu, c'est de ça qu'on a été délivré. Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi des cœurs à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été quoi? Instruit. Souviens encore ces mots. Waouh! C'est ici qu'on sait si oui ou non tu aimes le Seigneur. Remarque, il dit que vous avez obéi à la règle, à cœur. Donc, ça dit que ce n'est pas un forçat. Ici, de ce côté-ci, c'est volontaire. Si tu aimes le Seigneur, tu vas suivre ses instructions. Vous voyez? C'est simple. Ah, si vous pouvez donner le temps vraiment que je prêche. Regardez, verset 18. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. N'est-ce pas ce que vous avez dit tout à l'heure? Vous dites, non, je suis libre. Vous n'êtes pas libre, en réalité. Vous n'êtes pas libre. Parce que, j'aime le film d'action. Tu aimes le film d'action? Tu aimes le film d'action? Ok. Dieu dit que si tu obéis à la règle des doctrines, tu es esclave maintenant à un autre. Ce n'est plus toi. Tu n'as plus de volonté propre à décider quoi que ce soit de ta vie, en réalité. Vous êtes esclave maintenant de la justice. C'est quoi donc la justice? Christ est notre justice. Vous entrez encore à l'intérieur maintenant, il va falloir que Christ maintenant dit maintenant la façon de marcher. Qu'est-ce qu'il dit à l'apôtre Paul de dire? Il dit que dis-le que tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce que j'aime, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite les louanges. Lorsque si je vois ça, je vais applaudir. Donc, si ça, quand je me mets devant ta télévision, si le Seigneur était devant toi, il dit que hey, je te félicite, tu vois bien la télévision là. Vous comprenez la soirée, que comme mon fils, tu fais bien sur la terre, tu vois bien la télé. Donc, si tu penses que Jésus peut te donner l'approbation là, vois. Amen. Il dit tout ce, c'est ce qu'il a dit. Il dit tout ce qui mérite l'approbation. Regardez, regardez dans le livre d'1 Thessaloniciens chapitre 4, de verset 3 et suivant. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, donc le nettoyage. Ce que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu qu'on soit nettoyé. Il dit ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est que chacun de vous, quoi, sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Il dit, sans vous livrer. Vous livrez, non, c'est toi qui va te donner. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, malgré que quelqu'un m'a dit, je suis philosophe en Sicile, je connais Dieu, la Bible dit qu'il ne le connaît pas. Comme font les païens qui ne connaissent point Dieu. Après, il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 6, il dit, si quelqu'un rejette ses préceptes, il ne rejette pas un homme, mais Dieu. C'est ce que la Bible dit. Vous suivez? Pour dire quoi? Après, Thessaloniciens va dire justement que nous rendons grâce de ce que vous avez reçu la parole de Dieu, non pas les paroles que vous avez annoncées, non pas comme la parole de nom, mais comme véritablement la parole de Dieu. Et elle a dit que ces paroles que vous avez reçues agissent en vous qui croyez. Donc, soit vous lisez les préceptes de Dieu, vous refusez, soit vous refusez et vous vous trompez tout simplement que vous êtes chrétien. Donc, il y a un style de vie dans le Seigneur. Monsieur mes bien-aimés. Donc, ici, au verset 18 des Romains, chapitre 6, il dit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu. Donc, vous avez quitté l'esclavage pour entrer dans notre esclavage. Mais l'esclavage nouveau est soft. Le premier esclavage n'était pas pour notre bien. Ça cherchait notre ruine. Notre esclavage, c'est maintenant, c'est pour notre bien. Seigneur, pourquoi il ne peut aller en bas de nuit? Si tu pars en bas de nuit, là, en sortant, on va te poignarder. Vraiment, oui, je n'ai pas plus. La révélation que tu as adhérée, c'est que si on te tue, là, c'est que tu es fini. Donc, ça dit, c'est à ton avantage. Tu pars, tu danses, ça fait quoi, Dieu? Hein, mes frères? Tu bois, ah, Seigneur, le cœur qui réjouit, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Mais il a dit, donne-moi ton cœur. Il a dit, garde ton cœur. C'est de l'intérêt que vient les meurtres, les convoitises et autres là-bas. Donc, qu'est-ce qui a inspiré dans ton cœur pour que tu aies ça, pour que ça soit satisfait? Donc, la partie alcoolique à l'intérieur te fait, quand tu bois ça, ça réjouit, tu dis, waouh, ouais, tu m'as satisfait. Il dit, le vin réjouit le cœur de l'homme. Mais celui qui est censé doit dire seulement que moi, je vais réjouir le cœur de Dieu, pas mon cœur. Vous saisissez ça? Vous dites, alors, il faut qu'il réjouisse mon cœur, vois un peu, je saoule, ok. Quand ça touche à ton hypophyse, ça commence à faiblir ton système urinaire, les appareils génitaux, ainsi de suite. C'est Dieu qui va pisser. Quand tu vas pisser, tu as la haine, tu pisses, tu dis, waouh, waouh, waouh, Dieu pleure. C'est qui? Alors, le nouveau esclavage dans lequel nous sommes censés être, c'est pour notre bien. Amen. On avance ici. Par la suite, il dit, verset 19, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impurité et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant. Après, quel est le verbe? Vous avez entendu, frère? Vous avez entendu? Donc, il y a des enseignements dans la Bible spécifiquement pour les chrétiens. Spécifiquement pour les chrétiens, parce que les chrétiens doivent grandir. Ce style de vie, c'est pour grandir dans la sainteté. D'accord? Ce style de vie, c'est pour grandir dans la sainteté. On ne peut pas parler de la sainteté sans séparation. Puisque vous progressez, la sainteté, ça veut dire nettoyage. On va nettoyer donc quoi? Il faut les identifier. Et s'il faut les identifier, c'est U égale à nos vies passées. C'est-à-dire que, comment nous marchons avec? Qu'est-ce que Dieu est censé nettoyer? Ce n'est pas la sueur qui va nettoyer sur nous, non. C'est un style de vie qui a été intégré dans notre être. C'est-à-dire que nous avons pris goût à cela, à ce style, à cette façon de marcher. Dieu va devoir couper. Et quand il coupe maintenant, tu avances. Aussi, au fur et à mesure que tu avances, l'apôtre Paul dit dans ces Philippiens chapitre 3, verset 6, 7 et 8, il dit que ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde maintenant comme la boue. Allez dans la vie de l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il avait comme gain? La notoriété, la reconnaissance des hommes. Dieu coupe ça pour qu'il soit livré. Ah oui. Alors il peut dire maintenant que même s'il sert maintenant des libations, vous voyez ce qu'il en est? Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Donc vous voyez des choses qui se trouvent dans la Bible. De quelqu'un de dire que frère Junior enseigne sur Jésus, il ne connaît pas de quoi il est question. Dieu ne peut pas envoyer aller évangéliser. le monde entier, pour faire toutes les nations les disciples. Non. D'enseigner, de réparer ce qui est dans le, pour que les gens entrent dans leur ministère. C'est mon rôle principal là-bas. Il veut habiter les cœurs. Donc il faut que j'annonce la vraie ouverture. Ah non, non. Tu prêches à la fin, tu dis qu'il faut que les gens se répandent, il faut que les gens se répandent. Non. Quand tu brises les pensées comme ça, là, tu brises les pensées comme ça, tous les papins, quand l'un entre à l'intérieur, commence à réfléchir pas deux fois maintenant que pour regarder la télévision. À ce moment-là, maintenant, l'esprit de repentance peut venir. Ah, qu'est-ce qu'on a fait chaque fois? Oh, si tu veux maintenant te repentir, maintenant lève la main. Tu lèves la main, oh, ferme tes yeux, on met le piano derrière. Ça te fait, ça te blesse, tu crois que c'est la vraie repentance. Parce que le piano fait tout, tout, tout, tout. Oh, ma soeur, oui. Dieu a vu tes soucis, il a vu tes soucis, tu parles. Il faut qu'on montre aux gens qu'il aime quelqu'un qui est mauvais. Il faut que vous sachiez que nous sommes mauvais. Il n'y a rien de bon en nous. Rien. Et Dieu veut reconstruire cette tête qui a été détruite pour faire de lui l'image qu'il veut de nous. C'est ça qu'il en est. Et maintenant, pour qu'il puisse reconstruire, il faut que nos valeurs, c'est sur quoi nous crampions, c'est sur quoi nous tenions, les valeurs sur lesquelles nous avons construit, mis nos fondations de vie, soient écroulées. Vous me suivez, frère? Si ces valeurs sont écroulées maintenant, on commence à prendre maintenant les valeurs qui sont folies pour le monde. On va commencer à marcher maintenant dans la vie de Dieu. En ces temps-ci, quand l'homme est vraiment brisé, au niveau où Dieu veut, l'homme, du haut de son grand statut, commence à descendre sur son piédestal et voit l'humilité dans l'homme. Mais de voir un homme qui dit, ah, je me souviens quand je cause avec Dieu, vous voyez de quoi il est question. Il cause avec Dieu. Donc, comme si Dieu était son ami. Il dit, Dieu, si tu ne me donnes pas l'avion demain, je ne quitte et prêche plus. Je ne prêche plus. Et puis, ça fait quoi? Ça reste son plan sur la terre. Je suis tellement précieux. Je veux que vous regardiez comment vous êtes précieux devant Dieu comme ça, bien aimé. Si vous êtes tellement précieux, vous êtes. Tu es précieux. Vous savez ce que vous êtes? Vous savez ce que nous sommes? Levez-vous tous ensemble. Levons-nous. Tenez-vous debout. Marchez comme ça, ne marchez comme ça, vous voir. Marchez, marchez un peu, voir. Vous voyez comment vous marchez. Maintenant, asseyez-vous, je vous dis quelque chose. Nous avons marché sur le ciment parce que nous sommes dans la maison. Dieu n'a pas osé prendre le ciment pour nous faire. Si nous étions sur la terre là-bas, ben nous marchions sur la boue. C'est ce que nous sommes. Pauvre boue qu'il a pris essoufflé à l'intérieur. Et nous sommes. La chose, quand nous l'avons, la saleté de poussière, quand nous l'avons, nous versons au sol là-bas, c'est ce que nous sommes. C'est là où Dieu allait nous ramasser. Souffle à l'intérieur. Après, il veut faire de nous son chef-d'œuvre. Et l'homme de la poussière commence à vanter jusqu'à ce que s'est confronté, s'est élevé au niveau de Dieu maintenant, au milieu des hommes. C'est terrible. Poussière. C'est-à-dire que là où la plante était pierre petite, tu ne veux même pas regarder. Parce que tu regardes à une autre direction. C'est ce que nous sommes. En fait, tu meurs, tu te mets là-bas la prochaine fois. Après, on sème le plantain là-bas. Tu pourris, tu mourris, bien le planter. Poussière. Alors, il n'y a pas de quoi se vanter. Vous voyez tellement les soins que les gens amènent au corps. Waouh! À l'intérieur. Il faut que la marque se disparaisse. Waouh, je suis beau. Mon cerceau, c'est. Waouh! Tu parles. Pourri. La prochaine fois, c'est le tombeau qui va avoir goût de cela. Vous voyez là, lorsqu'on est. Donc, on a passé du temps ici. C'est à l'intérieur qu'il faut passer. Et cet intérieur, si c'est ce que nous sommes en train de voir ce soir-ci, il faut déconstruire l'intérieur en profondeur. Déconstruire. Pour pouvoir mettre une autre fondation, Christ Jésus. Amen. Alors, quelles sont nos valeurs? Sur quoi comptent nos valeurs? D'autres personnes vont réfléchir au niveau de leur diplôme. Je prends un des exemples de valeurs pour que vous saisissiez. Maintenant, j'ai mon enfant à l'école. Quand il va avoir le diplôme, il faut qu'il l'envoie à l'université d'Harvard. Comme ça, il sera l'un des grands de ce monde-ci. Comme ça, quand on va venir au pays, on va le nommer ministre. Vous avez vu les valeurs qu'ils ont fait? Ces valeurs, c'est sans Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit du fumier, il retire l'indigent. De la poussière, il retire le pauvre pour le faire asseoir avec le don. Quel est le diplôme que Dieu fait passer sur une personne-là? Quel diplôme le fait-il passer? Donc, les valeurs que le monde nous a présentées, nous les avons admis sans nous en rendre compte. Par conséquent, pour que je réussisse aujourd'hui, je ne compte plus sur Dieu ni sur la grâce de Dieu, mais sur mes capacités et mes aptitudes intellectuelles pour pouvoir passer. Vous voyez là où on en est. Si je n'ai pas le diplôme aujourd'hui, on va trouver le travail comment? On va trouver le travail comment? Dites-moi comment les conseillers du roi de Mekanessa, Daniel et autres là-bas, ils avaient quel diplôme? Ils avaient le diplôme de prophétie. Même les présidents d'aujourd'hui sont plus sages pour ne pas recruter dans leur conseil les gens de prophètes qui sont sortis de l'école de théologie. Il dit les prophètes de notre époque, les pasteurs, les présidents ne recrutent pas, ne prennent pas au sein d'eux les prophètes qui sont sortis du corps de théologie parce qu'ils connaissent qui ils sont. Les valeurs, là, il faut qu'on les rectifie. Amen. Les valeurs païennes vont nous donner les penseurs païens, nous conduire derrière les penseurs païens, l'intelligence obscurcie. Mais les valeurs divines vont nous conduire sur le chemin du brisement. Et ce chemin du brisement fait mal à l'être intérieur. Ça fait mal, mais c'est le processus pour enlever ce qui est là-bas. Lorsque vous avez la balle qui est perdue dans votre corps, lorsqu'on a destipé, ça fait mal, mais c'est nécessaire. Quand vous avez le pu en vous, il faut appuyer ça que ça sorte. Quand vous appuyez, vous dites, ah, mais pas la suite. Remarquez un enfant, un jeune enfant qui a le pu, qui est à l'intérieur. Quand vous venez d'extirper, la nuit, l'enfant ne dort pas au là-bas. Quand cette douleur, ça passe, quand le pu est sorti, l'enfant dort calmement. Pour dire, tant que cette tête-là, cette partie construite par les pensées païennes, ne sort pas à l'intérieur, vous ne pouvez pas être en paix avec le Seigneur. Nous suivons bien aimés. Donc, permettez-moi que je prêche et dis de telle faite façon, c'est que chrétien, séparez-vous de la télézone tout simplement. Amen. Permettez que je le fasse. Parce que j'ai un compte à rendre. Toutes les images que vous... Souvenez-vous, j'ai donné un thème là où nous allons développer la publicité, l'impact de la publicité. Je crois que je vais le faire avec... Je vais mettre des choses si vous allez voir, pour voir l'impact, ce qu'il en est, ce qu'il en est, ce que l'image fait, ce que l'audiovisuel fait sur l'impact, sur le subconscient. Que Dieu vous nous aide vraiment dans ce domaine. D'accord, frère? Amen. Donc maintenant, il peut prêcher donc, ce soir-ci, n'est-ce pas? Voilà, je vais prêcher maintenant. Donc, s'il y a de l'eau, distribuez l'eau, frère, et aussi là, le temps que les gens prennent de l'eau, avant que ça se calme là. Et puis, je vais commencer. Distribuez l'eau, relaxez-vous quelques temps pour que nous commençons.